Voilà, bon bah c'était cool. Ouais, bah, franchement, ouais. Je pense qu'on a vraiment dit tout ce qu'on voulait dire ça, sur la Switch. Là, mais je suis comme toi quand et de toute façon là je vais avoir 6-7 heures de montage qui m'attendent là sur les jours qui viennent. quand je vais me réécouter, pareil, je pense que je vais ça va me remettre en pleine gueule encore cette réalité là quoi. Enfin que Nintendo là, mais c'est on est dans une autre dimension quoi. Franchement c'est la quatrième dimension. Ouais, c'est triste. Nintendo quoi. Brocast épisode 13. Donc Brocast, on le rappelle, hein, c'est le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et qui besognent dans ce milieu aussi génial que sans pitié. Le premier bro, c'est moi, Bruno, alias chez Bruno sur Twitter. Quant au deuxième bro, c'est Julien, cofondateur du studio Storybird Games, que l'on peut retrouver aussi sous le pseudo de Forza Pedro sur Twitter. Alors Juju, comment ça va? Ça va. La Switch, on sait, avec des grosses guillemets tout. Voilà. Nintendo, faut toujours mettre des guillemets de toute façon. Ouais. Et je tiens à m'excuser d'avance pour ma crève encore. Moi, je pense que ça va être une malformation carrément de naissance, quoi, à ce niveau-là. Donc je sais qu'on va encore se foutre de ma gueule, que Lucie va encore se foutre de ma gueule aussi, qui nous suit, donc coucou au passage. Il y a des mecs qui vont dire, je ne supportais plus les toux et les éternuements, j'ai coupé. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est des abos, allez. Je me désabonne et je mets un petit message méchant sur Twitter. Et bon voilà, c'est comme ça, on a la crève. Bah de toute façon, vu le temps là, c'est non, mais là, de toute façon, tout l'hiver, je vais avoir la crève là. C'est laisse tomber, ça ne s'arrête jamais. Quand ça s'arrête, c'est l'histoire de 48 heures et bim, après, j'ai de nouveau la gorge enrouée, le nez qui coule. Mais en contrepartie, je suis jamais malade, tu vois. C'est-à-dire que j'ai jamais de fièvre. Enfin, je suis jamais vraiment malade, tu vois. Je vais jamais au médecin, etc. Mais je suis toujours enrhumé, quoi. Toujours. Bon, bah écoute, au moins tu peux être là au rendez-vous pour cet épisode 13, qui s'annonce, à mon avis, assez cataclysmique, parce que, on rappelle donc vite fait, hein, le principe de Brocast pour ceux qui nous rejoignent pour ce 13e épisode. Hein, donc Brocast, c'est le podcast qui vous invite à vous asseoir à notre table virtuelle, causer jeux vidéo comme si vous étiez dans le rat du coin avec vos potes. Et du coup, on va aller très très vite sur nos coups de cœur, coups de gueule, parce qu'on a un gros morceau donc à attaquer, à traiter. C'est-à-dire qu'on a eu le droit donc le 13 janvier dernier à la conférence Nintendo Switch qui devait techniquement envoyer du pâté, ouais. Qui devait nous rassurer. Ça a été tout l'inverse. Voilà, en préambule, j'aimerais juste poser des bases, puisqu'il y a quelque chose qui m'énerve vraiment, et si je vois trop de commentaires de ce style-là, je sais même pas si j'aurais envie de répondre, en fait, c'est que, je pose les bases tout de suite, c'est que quand on dit que Nintendo a volé l'E3, on se fait traiter de vendu à Nintendo. Et concernant la Switch, quand on est déçu, on se fait traiter de haters. Alors, juste pour poser les bases, c'est que je rappelle que nous, on est des très très très très gros fans de Nintendo. J'assume, hein, je suis un gros Nintendo sexuel qui s'assume. Pour rappel, j'ai acheté la Wii U Day One, hein, voilà. Mais là, la Switch, on peut dire qu'on est colère, on est très colère, donc on va vous dire pourquoi. Mais on va argumenter, voilà. Donc... Oui, voilà, c'est vraiment sur... On a des arguments, à vous de les accepter ou pas. Voilà, c'est... Non, mais après, il n'y a pas une question d'avis ou de pas avis. Enfin, c'est... Tout le monde s'accorde à dire que, sur le plan business... Et là, c'est pas une question d'avis, hein, ou de ça te plaît ou ça te plaît pas, la gueule de la console ou les jeux, etc. Mais sur le plan business, c'est assez dangereux ce qui est en train de se passer. Exactement. Et ce qui me fait très peur, c'est que c'était un peu le dernier rempart de la concurrence. Et dans un marché qui n'est plus concurrentiel, on sait très bien comment ça se termine. Et or là, au-delà du fait que il y a des erreurs tout simplement de stratégie commerciale qui sont extrêmement graves pour une société qui est censée quand même connaître un peu son business et le marché, les répercussions risquent d'être désastreuses sur le long terme. Alors voilà, c'est un peu catastrophique et cataclysmique de dire ça. Je pense qu'ils vont réagir comme ils ont réagi. Bah, ils vont jouer les pompiers comme d'habitude, quoi. Mais voilà, est-ce que ce sera pas trop tard? Voilà, j'espère qu'ils réagiront assez vite comme avec la 3DS. Mais là, ils vont droit dans le mur. Et là, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma ou je sais pas quoi. Là, c'est juste de la logique pure et dure. Là, ce qui est en train de se passer pour eux, c'est très très dangereux. Très dangereux. Et surtout que. Avant d'attaquer vraiment le gros du sujet dans 5 minutes, c'est que je tiens à préciser que moi personnellement, je resterai toujours un fan absolu des jeux Nintendo. Ce sont des merveilles totales de game design. Oui, ça remet pas ça en question. Voilà, on parle pas de puissance graphique, puisque moi j'ai pas besoin de puissance, la puissance d'une PS4 Pro ou d'une future Scorpio pour m'éclater sur un jeu Nintendo. Et pas du tout question de ça. C'est juste, on va vraiment parler de stratégie et surtout de décisions qui nous paraissent mais complètement ahurissantes, ouais, complètement ouais. À côté de la plaque, voire suicidaires. Et enfin, ça nous paraît complètement fou. Donc on va y revenir. On va juste essayer de faire rapidement. Nos coups de cœur, coups de gueule, parce que moi, je ne pouvais pas me résigner à ne pas parler de The Last Guardian. Mm. Donc, pour ceux qui ont écouté notre avant-dernier épisode, on avait fait une sorte de critique, interview entre Julien et moi, parce que moi, j'avais fini FF15 pour cet épisode, et Julien avait fini The Last Guardian, et moi, je ne l'avais même pas attaqué. Je l'ai attaqué qu'en début d'année. Et Juju a eu un avis... assez intéressant sur le jeu. Moi, pour résumer, c'est que c'est un jeu exceptionnel. Enfin, c'est à faire, quoi. Mais les quelques défauts qu'il a, moi, ont vraiment nui à ma partie, quoi. Voilà. Alors moi, j'aimerais apporter justement un avis différent, puisque moi, ça s'est pas passé comme ça, en fait. C'est que tous ces défauts, en fait, de caméra, de collision, de physique, etc. J'exagère pas, hein. Je ne les ai pas du tout croisés. De manière pragmatique, je les voyais, si tu veux. Mais ça ne m'a pas du tout gêné une microseconde. Et je les ai même pas calculés, en fait, ces problèmes-là. Tellement j'ai rarement été emporté dans une histoire. Non, mais est-ce que ça t'a empêché de jouer par moment? Non. Jamais. D'accord. Je me demande s'il n'y a pas eu une mise à jour depuis, en fait. C'est depuis que tu l'as eu, parce que moi, ça a vraiment été bloquant. Hein. C'est, il y a des moments où j'étais coincé, où j'étais limite presque obligé de redémarrer le jeu. Il y a des moments où même, tu vois, même Tricot n'arrivait pas à trouver le chemin. Et puis, tu avais des scripts qui se lançaient. Non, j'ai rien eu de tout ça. Particulièrement un moment avec plein de lucioles. Bon, c'est assez loin dans le jeu. Il y a un endroit où t'es pas obligé d'y aller, mais en fait il y allait constamment en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et on a mis presque une heure de jeu à se débloquer, à le sortir. Ah, j'ai pas eu ça, j'ai pas infernale. Eu ça du tout. Et tu vois, malgré des soucis qui étaient vraiment excessifs, parce que les soucis qu'on a eu en jouant étaient vraiment excessifs, hein. C'était incroyable. On se demandait, merde, mais c'est moi qui fais mal, ou et non, enfin le jeu partait complètement. Non, mais j'ai pas eu ça du tout, moi. Voilà, en fait, il y a peut-être eu une mise à jour depuis, quoi. Le seul truc qui m'a pas choqué, c'est parfois les grosses baisses de framerate, mais ça, j'étais prévenu. Ah oui, non, mais donc, moi voilà. Aussi, ça, mais, bon. Mais en termes de jouabilité pure, je n'ai eu aucun souci, et je me suis même parfois. Tu vois, je me baladais, je prenais des risques, un peu comme dans un Uncharted, en fait. Où vraiment, okay. Parfois, j'aurais dû faire des vidéos, en fait, mais j'étais tellement pris par l'histoire que j'avais même pas le réflexe d'appuyer sur le bouton share, tu vois. Ouais. Mais parfois, j'ai fait des cascades de la mort, mais des trucs en toute simplicité. Donc, en fait, pour aller très très vite, parce qu'on a dit qu'on faisait très très vite, moi, c'est l'un des jeux les plus bouleversants de ma vie, vraiment. Ah bah oui, oui, mais je tiens à préciser qu'en fait, je reconnaissais le grand talent du Eda, parce que j'avais beaucoup aimé Ico. Sans crier au génie comme certains, Shadow, j'étais un peu mitigé. Je reconnaissais les grandes qualités, mais il y a des trucs qui me fatiguaient un peu. The Last Guardian, non seulement c'est mon Ueda préféré, de très loin. Pour moi, effectivement, ça ne peut être que l'œuvre d'un génie. Et c'est la plus belle histoire d'amitié, tous médias confondus. Je dis bien tous médias confondus auxquels j'ai assisté. C'est-à-dire que j'ai fini le jeu en pleurs. Et il y a des. Il fait partie de cette liste. Il rejoint pour moi ce panthéon des jeux qui te font découvrir des sensations nouvelles. Ah bah oui. Complètement nouvelles. C'est-à-dire t'as des jeux. Je vais pas faire toute la liste ici, mais moi dans ma vie qui m'ont apporté des sensations que j'avais jamais ressenties avant. Comme ça peut être FF6, Silent Hill 2, il y en a quelques-uns comme ça. Bon, je vais pas faire toute la liste. Et The Last Guardian, il m'a vraiment fait ressentir quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Et cette relation qui se noue avec la bête, c'est hallucinant. Je te l'avais dit, hein, que ça... Et ça soulève des questions aussi. Hein. J'ai l'impression que j'étais parti à l'aventure avec mon chat, quoi. Mais vraiment, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Ça soulève des questions sur... Bah, alors là, il y a la narration qui transcende et les situations qui transcendent le jeu et cet effet-là. Mais pour moi, ça soulève des questions sur la pertinence d'un attachement envers une IA. Mais complètement. Hein. Parce que moi, j'étais vraiment... C'est troublant, quand j'étais même. J'étais très... Oui, exactement. Je très, très attaché, en fait, à Tricot. Y compris quand t'éteins le jeu. Tricot, je l'ai eu dans la tête pendant 15 jours après le jeu. Et quand j'y repense souvent, ça me fait vraiment, tu vois, ça fait vraiment quelque chose. Et du coup, cette finesse, c'est au-delà de l'écriture. C'est-à-dire, c'est des situations auxquelles t'es confronté qui sont jamais des tire-larmes faciles. Tu t'y attends pas et tu dis, mais putain, c'est trop bien trouvé, quoi. C'est génial. Il y a certaines situations limites qui sont du jamais vu dans un jeu vidéo. Ouais, et puis on peut pas, c'est difficile d'en parler, c'est un peu comme The Witness, sans spoiler. Ah, c'est dire, ouais, on peut pas. C'est compliqué, mais il faut surtout pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas encore fait. Ouais. T'as des situations où tu te dis vous êtes bien gentil, mais c'est pas un peu abusé quand même, tu vois, enfin. Bah moi, j'aime bien, c'est que t'as des situations où tu sors carrément du cadre des codes vidéoludiques habituels. Où tu te dis, bon, alors j'essaie de pas spoiler, mais pendant une heure, c'était comme ça, voilà. Et là, il se passe un truc où tu dis, bon, bah, ça va être comme ça, avec tous les codes qu'on m'a appris depuis le début. Ouais. Et tout est renversé. Ah oui, oui. Parfois, par, moi, je dirais pas par quoi, et tu te dis, mais oui, mais en fait, si ça existait dans la vraie vie, si j'étais parti à l'aventure avec mon chat ou mon chien... Bah, ce serait peut-être passé comme ça à ce moment-là, finalement. Parce que les codes de jeux vidéo ne régissent pas la vraie vie, entre guillemets. Et tu vois, c'est hyper impressionnant. Et puis surtout, le jeu te prend. Je trouve que c'est un des jeux qui t'aide le moins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais c'est très subtil en fait. C'est que parfois, les endroits où tu dois t'accrocher, tu les vois pas du tout. Parfois, tu les vois quand même, ils ressortent. Mais c'est fait de manière tellement habile. Que tu dis, tu vois, ça peut être la vieillesse de la pierre ou... C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est un jeu qui t'aide pas, c'est au-delà, c'est marrant que tu cites Silent Hill 2, parce que ça m'a fait penser à ça. Tu sais, Silent Hill 2 part du principe que t'es pas un héros, que t'as du mal à te battre, voilà. Tu vois, que t'es pas fort. Là, je trouve que c'est le jeu qui le montre le plus. Il y a des moments où le jeu te montre que, bah, tu sais, t'es qu'un gamin. Et à certains moments, bah, même si ce qui se passe devant toi, c'est atroce, que tu veux agir en tant que joueur, parce que dans un jeu vidéo, t'es censé sauver la princesse, faire ceci, cela, t'es censé agir, il y a des fois, tu peux pas agir. Comme dans la vraie vie. Exactement. Et c'est un jeu qui te le rappelle. À certains moments, tu n'as pas le choix. Mais finalement, qu'est-ce que la morale? Est-ce que la morale veut que tu agisses et que t'interfères avec ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui te donne le droit finalement d'interférer avec ce qui est en train de se passer, parce que c'est la nature, c'est comme ça, tu vois, c'est pas toi qui dois choisir. Rapidement pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà dépassé les 5 minutes, c'est que ce qui est hallucinant. Non, t'inquiète, là ça fait à peine 4-5 minutes qu'on parle. Ce qui est hallucinant, c'est que durant le jeu, je me comportais vraiment avec Tricot comme si, comme je le disais, j'étais que mon chat, c'est-à-dire que. Si je le voyais un peu inquiet, et même si ça n'avait aucune utilité en termes de gameplay dans l'aventure, j'allais tout de suite lui faire des caresses pour le calmer, rassurer, ouais. Pour le rassurer. Parfois, quand j'arrivais, je mettais du temps à résoudre une situation et que la bête était en stress, il m'arrivait même de baisser le son, parce que ça me faisait de la peine de le voir dans cet état-là, et pour mieux réfléchir à la solution, ouais, parfois je baissais le son. C'est une grande réussite, hein, de toute façon, ce jeu. Oui, bah après, moi, je peux comprendre qu'on ait des avis tranchés d'un sens ou dans l'autre, ou contrastés, parce que même nous, tu vois, on n'a pas exactement le même avis. Moi, pour l'instant, c'est le jeu de la génération. Il m'a bouleversé, mais vraiment d'un bout à l'autre. C'est une aventure totalement unique et des sensations totalement uniques. La fin, je l'ai trouvée, mais tellement tout le contraire d'une fin facile. C'est-à-dire qu'elle te tire des larmes, mais elle est tellement intelligente, elle est tellement bien amenée. Enfin bref, j'ai jusqu'à la dernière seconde et je peux pas dire mieux. C'est que quand tu finis le jeu, t'as pas envie de les quitter, t'as pas envie de quitter Tricot. Ah, par contre, ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, du coup, j'ai regardé s'il y avait d'autres trucs à la fin, au cas où. Tu vois, moi aussi, ouais. Bah, il y a des changements de tenue si tu débloques tous les. Ouais, bon. Mais à la limite, tu vois, c'est normal parce que c'est une aventure qui se tient comme ça. Elle est. Et à la limite, tu vois, rajouter journey, trop d'à côté, ça diluerait peut-être le propos. Enfin bref, voilà. C'est juste que quand ça se termine, t'es triste que ça se termine, c'est tout. Ah ouais, t'es triste. Et puis ce qui se passe à la fin, écoute, moi et Nat, on était. Parce que Nat n'a pas joué, mais elle m'a beaucoup regardé jouer. Ouais. On était en pleurs. Même après avoir éteint la console, on a mis du temps à s'en remettre. Et vraiment, bah, je dis merci, monsieur Ueda, parce que les. Voilà, la fin est complètement bouleversée par ce jeu, quoi. La fin est magnifique. Enfin, ceci étant dit, moi j'ai été quand même plus marqué par la fin de Colossus. Mais je suis très content. Enfin, on peut pas spoiler, mais je suis très content de la fin en fait de Guardian parce que. Voilà, tu peux très facilement tomber dans des facilités, tu sais, pour soit faire tirer la larmichette, etc. Et c'est finalement, tout le contraire. C'est intelligence. Voilà, c'est rare. Bien plus subtil que ça. Ah ouais, ouais. Et c'est exactement la même chose dans Colossus, c'est-à-dire que la fin est au-delà d'être surprenante. Tu t'y attends, mais tellement pas à la fin de Colossus. Pareil, c'est. En fait, je trouve qu'il est. Ueda, il est très fort pour les fins, quoi. Parce qu'il te fait des trucs où. Subtil et en même temps des trucs que t'as jamais vu dans un jeu, enfin c'est moi tout au long de Guardian, vraiment je trouvais que même la manière dont l'histoire était racontée, les espèces de rebondissements qu'il y avait, oui, il y en a beaucoup quand même. Il y a un sens du rythme pour moi qui est vraiment mais au millimètre, c'est super bien amené. Ouais, c'est au poil. Ça fait fi de tous les codes habituels. Enfin voilà, bon, j'arrête parce que sinon je pourrais en parler deux heures. Donc chapeau monsieur Ueda. Toi tu voulais parler d'un jeu qui m'intéresse beaucoup, qui est dans ma liste, que je ferai cette année, qui est Inside. Et alors par les créateurs de Limbo, et qui apparemment a fait son effet chez beaucoup de joueurs. Ouais. Alors c'est marrant parce que avant de rapidement parler du jeu, je trouve que c'est un jeu qui a des notes complètement dingues. Ah oui. Il était accueilli vraiment de manière sur Metacritic, il est dans le top 5 des jeux les mieux notés de tous les temps, quoi. Tu vois, et puis j'ai l'impression que les gens le ressortent jamais, quoi. Tu sais, ils en parlent pas des masses. Mais est-ce que c'est pas le problème du fait qu'il y a justement trop de jeux? Puis là, on vient de passer la fin d'année où il y avait énormément de gros hits qui sortaient. Ouais, non, mais Inside, ça fait quelques temps qu'il est sorti sur Xbox One. Donc bon, après sur PC, il est sorti après. Mais bon, je me souviens plus de. Bah même sur PS4, hein, il est sur PS4 aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Bon, moi je l'ai pris sur PC parce qu'il était en promo. Il est dispo partout. Hein. Il était dans ma wishlist. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Limbo. Hein. Je sais pas si t'avais joué à Limbo. Ah, ou... si, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, j'ai beaucoup. Mais il paraît que ça va vachement plus loin. Ah, bah, c'est simple. Limbo fait office de brouillon, quoi. À côté. Hein. Et pourtant, t'as vu Limbo, enfin, il est quand même. Bah, alors là, Limbo, c'est un peu méchant. Parce que... Mais en même temps, c'est aussi un compliment vers. Limbo n'était pas parfait. C'est vrai que moi, j'avais adoré. Je sais que vers la fin, j'avais hâte de terminer parce qu'il y avait certains puzzles qui, on les trouve facilement, mais parfois qui se répétaient peut-être un peu trop. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, ça reste quand même une super expérience, Limbo. Ouais, hein. c'est clair. Bon, bah là, c'est tellement mais mieux quoi. Enfin, c'est tellement mieux, mais en tout point, que ça soit même artistiquement. Pourtant, Limbo était joli, mais artistiquement, l'ambiance, le travail sur le son, sur l'animation, et c'est incroyable ce que tu peux faire juste avec un saut et pousser des caisses, quoi. C'est une leçon de game design, ce jeu. Enfin, en fait, je savais qu'il était bien, t'sais, avec Kelly, on avait bien vu les notes métacritiques, que la presse l'avait plutôt encensé, mais il parle pas trop du contenu du jeu, et c'est tout à fait normal, parce que sinon, ce serait vraiment trop spoilé, tu vois. Parce que le jeu est vraiment basé, alors oui, certes, artistiquement, il est beau, il y a une super ambiance, mais le jeu est vraiment basé sur le gameplay, tu vois, et les mécaniques qu'il y a tout autour. Et je trouve que c'est le Mario Galaxy du jeu indé, quoi. c'est chaque à chaque salle, à chaque nouveau segment de jeu, à chaque embranchement, le gameplay change complètement. Tu te dis mais putain, mais c'est tellement intelligent d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Oh, j'aurais pas du tout eu le réflexe de faire ça dans un autre jeu. Là, t'essaies, t'expérimentes parce que tu vois très bien que le jeu te demande de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Le propos est magistral. Oui, d'après ce que j'ai vu. Alors, pareil, je me suis beaucoup renseigné en essayant de pas me faire trop spoiler. Ça fait très ambiance. Je dirais presque Seconde Guerre mondiale, quoi. Je saurais pas te dire, c'est un genre de lobotomisation générale, d'après ce que j'ai vu. Ouais, mais t'as presque l'impression que t'as un petit juif qui se fait traquer par les nazis, quoi. Ouais, voilà, bon. Ça, c'est vraiment une interprétation personnelle, c'est par rapport à l'ambiance, tu sais, même graphique, t'as vraiment l'impression que t'es dans l'Europe des années 40, quoi. D'accord, ok. Mais en même temps, t'as des gros pans de technologie, des trucs mystérieux. C'est un des jeux les plus violents qui m'était donné de voir, et pourtant pas grand chose. C'est l'effet Ring, un peu. C'est-à-dire que on l'a fait en 3 soirées, et à chaque fois qu'on coupait la console, parce que bah faut bien dormir, il faut bien se lever. Écoute, la dernière fois que j'ai eu autant de malaise dans un jeu, c'est dans Silent Hill 2, quoi. Ah, à ce point-là, d'accord. Ouais, vraiment, même Kenny, au tout début, tu vois, qu'on a commencé à jouer, elle m'a regardé du genre, ouais, c'est abusé quand même. Pour elle, c'était un peu trop au début. Et pourtant, tu vois, on a fait Silent Hill 2 et tout, quoi. Mais pour elle, c'était trop, vraiment. C'était trop oppressant au début. Et tu verras quand il jouera. Ah, j'ai hâte de l'essayer. Ouais. J'ai jamais été autant oppressé dans un jeu. Depuis Silent Hill 2, je n'ai pas vécu ça. J'ai terminé des parties avec les mains, mais trempées, quoi. Mais trempées. À ce point-là, j'ai vraiment hâte d'essayer. Des fois, t'as presque l'impression de suffoquer, quoi. Alors, en plus, si tu le fais, tu sais, le soir. Si tu joues le soir, laisse tomber, quoi. Ah bah j'y jouerai le soir parce que... Avec la pénombre et tout... C'est pas un jeu à jouer quand le fiston est dans les parages, donc j'y jouerai le soir, fatalement. Ah non, ça, pas... ah, ouais, faut faire gaffe. Alors voilà, je sais pas, c'est pour, aux gens ah bah, qui ont des enfants. De toute façon, moi c'était clair que j'y jouais quand tout le monde était couché, de toute façon, c'est ouais, sûr. Ouais, mais voilà, je préviens pour ceux qui ont des enfants et qui jouent... bref, tu peux avoir ton gamin dans les pattes ou tes enfants dans les pattes. Surtout pas. Hein. Surtout pas quand il y a des enfants, parce que même les sons, tout, ça peut être traumatisant quand même. Voilà, c'est. Oui, c'est et puis très... c'est clairement de façon pas des images qui leur sont destinées. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de débat, quoi. Ouais, vous y jouez vraiment... quand ils sont au lit ou quand ils sont à l'école ou voilà. En fait, au-delà de la violence, en fait, t'as des images qui sont très dérangeantes. C'est t'as des trucs, je te dis que t'as pas l'habitude de voir. En fait, il est couillu, quoi. T'as des trucs. Enfin, des fois, t'es devant des visuels, t'es en train de faire des trucs ou t'es devant des situations, tu te dis je sais pas si c'est du génie ou si c'est abusé, tu vois. Mais est-ce que c'est pas trop... Mais finalement non, parce que ça sert tellement le propos quand même que bon, bref, c'est surprenant, ça va faire d'une traite. C'est-à-dire, j'invite vraiment les gens à pas jouer à d'autres jeux. Combien de temps t'as mis pour le terminer? Oh, il court, franchement, ça doit faire deux limbo, quoi. Genre 4 heures, quoi, 3-4 heures. Ouais, peut-être un peu plus, quand même. 5 heures, ouais. Ouais, peut-être 6-7, ouais, allez, on va dire 6-7 heures. Ouais, il faut essayer de se le faire en 2 sessions maximum, grand, quoi. Grand max, voilà, et c'est un plan séquence de 6-7 heures. Oui, il paraît qu'il est très très fort sur le principe de narration interactive, quoi. C'est-à-dire le fait, de, à travers le gameplay, de raconter quelque chose de fort, il paraît que c'est vraiment exemplaire à ce niveau-là aussi. C'est une fugue ou une fuite, je sais pas. C'est une fuite qui s'arrête jamais, c'est-à-dire que t'as pas de coupure, tu sais, t'as pas d'ellipse ou ça ne s'arrête jamais, quoi. D'ailleurs, je sais même pas si on des fois aussi bon, après avec le level design, des fois on peut pas retourner en arrière, mais à certains moments tu peux même retourner loin en arrière. En fait, c'est si tu veux, tu vois, ça sert à rien, mais c'est vraiment. Écoute, je vais être clair, j'y aurais joué en 2016, parce que c'est un jeu de 2016. Oui, il aurait été dans ton... Je l'aurais mis, ouais, aux côtés de The Witness, quoi, parce que vraiment, les deux, pour moi, se tiennent la main. C'est-à-dire que les deux révolutionnent le concept même de jeu vidéo et racontent quelque chose d'assez incroyable. Mais autant The Witness, à la fin du jeu, c'est vrai que t'es un peu bouche bée, tu vois. Mais la fin de The Witness, c'est pas le... C'est... c'est pas la finalité en soi, tu vois, du jeu. Autant quand tu arrives à la fin de d'Inside, tu as les yeux écarquillés, tu te dis mais qu'est-ce que je viens de jouer, et particulièrement la dernière demi-heure. La dernière demi-heure est juste pour moi, elle rentre dans l'histoire du jeu vidéo. Pour moi, ces développeurs rentrent dans l'histoire grâce à cette dernière demi-heure de jeu où c'est le what the fuck le plus total, quoi. C'est vraiment c'est le mindfuck. J'ai oublié son nom, mais d'ailleurs ils en parlent dans le dernier pour qu'on enchaîne, ouais. Dans le dernier The Game, donc un excellent magazine de jeux vidéo que je vous conseille. C'est des Danois, je crois, mais je me souviens plus. L'un des créateurs principaux, en fait, qui était derrière Limbo et qui est derrière Inside, donc il est interviewé dans ce magazine. Là, d'accord. Il est parti sur tout autre chose, je crois qu'il va sortir, ou il a sorti une sorte de shoot musical avec des formes géométriques très, très rudimentaires, histoire de respirer un peu. Ouais. Ah bah ouais, je comprends, parce que ça lui est horrible. Voilà, il veut s'aérer un peu les neurones. Ouais. Et voilà, donc je vous conseille ce magazine. Bon bah écoute, Inside c'est noté, de toute façon moi je comptais le faire. Et on va vite, en 3 minutes, parler rapidement de Super Mario Run, parce que c'est vrai que c'était comme un événement, on avait dit qu'on reviendrait dessus. Ouais. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on reviendra dessus. Parce que, non. Voilà, mais moi personnellement, en tant que gros fan de Mario, j'ai été énormément déçu, voilà. Moi je le dis. Je l'ai acheté plein pot Day One. Moi aussi. Ouais. Et alors oui, c'est un runner très intelligent. Attends, c'est même le meilleur. Attends. Oui, c'est le meilleur de très très loin. Des idées de gameplay de vraiment qui sont très très futées pour varier vraiment la formule. Donc ça, vraiment, je ne remets pas ça en cause. Mais bon, quand même, c'est vrai que. Les niveaux, enfin moi je l'avais terminé en 1h30. Alors bien sûr, je n'ai pas fait les défis, j'ai pas fait tous les défis, je n'ai pas ramassé toutes les pièces, parce que si on se met à ramasser les pièces spéciales, alors là on en a pour. Oui, parce que le LD change. Enfin, je sais pas si t'as vu, mais t'as carrément des gros bouts de niveau qui sont. Ouais, mais pareils, c'est bizarre. Pourtant moi qui ai un hardcore de Mario, vu que c'est un runner, fût-il aussi génial, tu vois. Ouais. Le fait que ça reste un runner, ce serait un New Super Mario ou un Mario X12, ce que tu veux. J'aime bien les saigner, effectivement. Parce que t'as quand même le gameplay Mario. Là, pour un runner, effectivement, t'as une qualité Nintendo qui est indéniable. Et ça, là-dessus, c'est une franche réussite. Je ne dis pas le contraire. Hein. Il y a des grandes idées de gameplay. C'est un très bon jeu. C'est le meilleur runner jamais sorti. Ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais par contre, le fait que ce soit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, juste un runner. Ne me donne pas envie de collecter toutes les pièces, chose que je fais dans un Mario sur console classique. Moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment j'ai fait, je crois, les trois premiers mondes avec tout, quoi. C'est genre en 100% avec les pièces violettes, enfin rose, je crois que c'est rose, violet et bleu foncé après. Il y a ou grise ou noir, ou je crois que c'est noir. Ouais, ou noir peut-être, ouais. Ouais. Je sais plus, j'ai fait les trois premiers mondes complets comme ça. Moi, je ne l'ai pas terminé encore. Parce que là, ces derniers temps, à chaque fois que je démarre, il me lance des mises à jour et crash à chaque fois. Donc en fait, j'arrive juste tout simplement pas à y jouer. Donc je crois que je vais peut-être pas lâcher l'affaire, parce que je l'ai quand même payé 10 balles. Pour moi, le vrai problème, il est là. C'est pas le jeu lui-même. Bon, je le trouve bien. Alors oui, il est court, mais quand tu vas faire les défis, c'est qu'il te fait des pans aléatoires de niveau et que tu joues contre des fantômes. Moi, c'est limite la partie que je préfère. C'est la partie à laquelle j'ai le plus joué, en fait. Ouais. Avec tous les taux que tu cumules, là, les bleus, les roses, les jaunes, bref, pour faire le royaume champignon. En plus, tu peux débloquer les persos, même si j'ai pas réussi à le faire. Mais pour moi, le problème, c'est le prix, et c'est la transition toute trouvée avec la Switch. Et ça prouve que Nintendo a un sérieux problème d'équilibrage au niveau des prix. Alors. Le premier qui me dit « mais c'est une entreprise, elle doit faire de l'argent », je lui mets mon poing dans la gueule, parce que oui, effectivement, une entreprise doit faire de l'argent, mais c'est pas pour autant que tu dois vendre quelque chose qui doit coûter, allez, 2-3 balles grand max, multiplié par 10, quoi. C'est pas normal. Le jeu est beaucoup trop cher, il devrait coûter grand maximum 4 euros et quelques, Mario Run, par rapport au contenu. Hein. Ah oui, parce que le contenu est vraiment rachitique, je trouve. Hein, vraiment. Voilà. Il devrait coûter au minimum, je dis bien minimum, hein, deux fois moins cher, et même deux fois moins cher, même à 5 euros, c'est trop cher, il reste trop cher. Et ça prouve définitivement, et on va y revenir donc avec la Switch, ça prouve définitivement que Nintendo vit dans un autre monde et ne vit pas dans le monde des humains qui achètent des jeux. Ils sont vraiment à l'ouest avec la réalité du marché. Ça se demande s'ils font vraiment de l'audit commercial. Justement, on va faire la transition, si tu veux bien, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc le 13 janvier dernier, donc, on s'est levé de très bonne heure pour suivre en direct à 5h du matin, donc une conférence et non pas un Nintendo Direct. Donc c'est vrai qu'au début, on était plutôt contents parce qu'on s'est dit « Ah, une conférence !» Bah, dès que j'ai vu la scène, je fais « Ah !» Ça, c'est quand même… Voilà, à la base, c'était une bonne idée. Je dis bien « à la base ». Et donc du coup, on a suivi ça et… Je pense que si je vous balançais l'historique de la conversation G-Talk qu'on a eue, Julien et moi, à ce moment-là, elle est anthologique parce que vraiment, on est tombé de notre chaise, ce serait être loin de la réalité. On a frôlé les arrêts cardiaques à répétition pour les mauvaises raisons. Et du coup, en fait, pour nous, c'est une conférence qui était totalement ratée. Elle est historique quand même. Hein. Ennui. Et surtout, en fait, si vous nous suivez, je vous invite à réécouter, en fait, sur les épisodes qui étaient consacrés à la Wii U. Donc ça, c'est l'épisode 3. Voilà. Et l'épisode 9, on avait peur, justement, pour la Switch. Et on se disait, avec Julien, Nintendo, avec toutes les erreurs stratégiques... Et on parle bien de stratégie, je ne parle pas des jeux, comme d'habitude, qui restent toujours excellentissimes. Au niveau stratégique, c'est pas possible, après toutes les erreurs qu'ils ont cumulées, une sorte de best-of d'erreurs, mais complètement conne avec la Wii U, ils ne peuvent... Et la 3DS, ils ne peuvent pas réitérer ça avec la Switch. C'est même pas qu'ils doivent faire un peu mieux. Ils ont pour obligation d'envoyer le pâté... de se racheter, de redonner confiance. Bon, et si tu te souviens, Julien, je disais, ouais, mais c'est Nintendo, ils sont capables de pas avoir retenu. Et tu me disais, non, mais là, c'est pas possible. Et effectivement, mon fort intérieur, je me disais, ouais, c'est vrai, c'est quand même pas possible. Bon. Bah pourquoi c'est pas possible ? Bah ils ont fait pire. Que... Et pour moi, ils ont fait pire. Pourquoi pour moi, c'était pas possible ? Parce que déjà, ils ont fait l'erreur avec la 3DS. Ils ont réagi. Putain, Iwata, surtout. A réagi quand même. Ouais, ils ont bien quand même limité la caisse avec la 3DS quand même. Elle n'a pas l'image d'un échec quand même, elle a l'image d'une réussite. Et on en avait parlé, quand elle est sortie, quand ils ont annoncé le prix, je t'ai dit, les gens ne mettront jamais ce prix-là pour une console portable, ça ne se vendra pas, quelle que soit la qualité de la console et des jeux. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que les joueurs et les fans de jeux vidéo... les hardcore, etc., ont tendance à oublier le pouvoir du portefeuille. Et le portefeuille aura toujours le dernier mot. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs sur Twitter, « Mais non, moi, ça me va, le prix. Bah. » Mais oui, mais ça te va à toi. Mais ça n'ira pas à la mère de famille qui va faire ses courses à Carrefour, qui va commencer à regarder ce qu'elle va acheter pour Noël à ses gosses. Ça ne va pas. Et puis surtout, ça t'ira pas si tu gagnes 1 200 € par mois que tu as des enfants. Ça tira pas non plus. Donc, ils se sont cassés la gueule. L'histoire l'a prouvé. Quand la 3DS est sortie, ça a été une catastrophe. La catastrophe a été telle. On annonçait la mort de la console déjà une semaine après sa sortie. C'était facile à prédire. À Nintendo, ils voient merde, putain, personne n'achète notre console. 6 mois après, à peine 6 mois après, elle a une baisse drastique et un Mario. Et là, oh bah merde. Un jeu que tout le monde veut et un prix qui est déjà plus abordable, bah, c'est bizarre la console se vend. Bon, quand la Wii U est sortie, ils ont fait exactement la même erreur. En plus d'avoir foiré leur communication auprès de la grande distribution et du grand public qui avait strictement donc rien compris à ce qu'était cette machine, pensant que c'était une manette pour la Wii, tu vois, voilà. Et c'est resté longtemps d'ailleurs comme ça. Et là, ils n'ont pas appris de leurs erreurs et même, je dirais, de leurs bonnes décisions. Qu'ils ont eu avec la 3DS, la Wii U, ils n'ont pas arrêté de dire non, mais en baissant le prix, c'est pas ça qui fait que ça va se vendre plus. Ok, bon, bah, change de métier parce qu'apparemment, t'as pas compris quoi. Bon, suite à l'échec de la Wii U, tout le monde se dit échec cuisant, hein, c'est le c'est une véritable catastrophe. Tout le monde se dit ok, avec la Switch, Ce qu'il nous montre, c'est super intéressant. C'est ce qu'aurait dû être de toute manière la Wii U. Et en plus de ça, en termes hardware, ça a l'air de tourner autour des, on va dire, 300€ grand max, mais grand max. Et quand bien même, si elle a ce prix-là, ce sera avec un jeu, parce qu'on connaît Nintendo. Généralement, ils livrent toujours un truc, tu vois. C'est-à-dire que t'achètes une bagnole, on te donne les roues avec. Voilà, bon, pour pouvoir rouler, tu vois. Bon, bah, oui, parce que sur Wii U, faut rappeler qu'il y avait des packs avec des... Tu vois, moi, quand je l'ai acheté Day One, la Wii U... j'avais pris le pack zombie ou voilà. Alors certes le jeu m'avait déçu, mais t'avais toujours quelque chose avec. Mais il y avait quelque chose, voilà. Voilà, y avait quelque chose avec. T'avais à bouffer quoi. Voilà, t'avais à bouffer avec. La Wii, alors bon, n'en parlant même pas. La Wii, t'avais Wii Sport, donc Là, c'était raz-de-marée quoi. Enfin, t'avais le tuto si tu veux inclus dans le package. La GameCube est quand même est quand même sortie avec quelques jeux. T'avais Luigi's Mansion, etc. Bon, bref, il y avait du choix, et je vais revenir sur un truc, parce que les gens ont tendance à avoir la mémoire courte. Faut pas oublier que la GameCube, quand elle est sortie, elle s'est pas très bien vendue non plus. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Moi, je bossais à Micromania quand elle est sortie. C'était très compliqué de la vendre. Personne n'en voulait, parce que déjà, un, pour l'Occident, elle était moche. Moi, je la trouvais mignonne, mais bon. Oui, parce qu'elle faisait trop jouet visuellement, quoi, c'est ça. En caisse, c'était « j'en ai rien à foutre, c'est un jouet ». Et la console avait beaucoup de mal à se vendre parce qu'elle était, je crois, à 199. Enfin, je sais plus, mais elle était quand même relativement chère, quoi, parce qu'elle était un peu en avance aussi techniquement sur puis son temps. Puis t'avais fait le même PlayStation 2 en face aussi, donc voilà. C'était compliqué. Sauf que, et ça, je l'ai vécu, et je l'ai vécu avec tous mes collègues de toute la France quand je bossais à Micromania. Ils ont eu l'intelligence de la baisser à 99€ et de la livrer avec double dash. Eh ben Bruno, c'est historique. Moi, je bossais à Évry dans le 91, alors j'imagine même pas à Paris, tu sais, ou genre au Micromania vers Lafayette. On avait la queue jusqu'à dans l'intérieur du Carrefour. Et ça a duré un mois. C'est QFD. Ça a duré un mois. Donc, je ne comprends pas. Je veux dire, ils ont des exemples. Je veux dire, ils ont bien vu que quand la console a un prix agressif, parce que la concurrence est extrêmement agressive, et que tu livres un jeu dont tout le monde veut jouer, un Mario Kart ou un truc comme ça, forcément les gens mettent la main au portefeuille. Tout ce qui est hallucinant, c'est que quand bien même il l'aurait vendu à ce prix-là avec le Mario Kart 8 Deluxe, qui est le même, hein, avec des petits trucs en plus. C'est un mode battle, point, parce qu'il n'y a pas de nouveau circuit. Il n'y a pas de nouveau circuit, voilà. Déjà là, je me serais dit, bon, ils abusent, mais pour ceux qui n'ont pas eu de Wii U, comme beaucoup de monde, ouais, genre moi. Voilà, et Mario Kart 8 vraiment qui est exceptionnel. Je me suis dit, bon, bah, oh, c'est top, tu vois. Même pas ça. On va vite fait revenir avant d'aller dans le détail sur la conf en elle-même, qui effectivement nous a désespérés d'un bout à l'autre. Donc en clair, on a eu. C'est un florilège de mauvaises décisions, quoi. En fait, le line-up, avant de parler de la machine en elle-même, pour moi, Et peut-être, si ce n'est pour moi, le pire d'une console Nintendo, parce que sur Wii U, moi, je l'avais acheté parce que je voulais jouer à New Super Mario Bros. U, parce que voilà, moi, je suis un fan hardcore de Mario, et je défendrai toujours les New Super Mario Bros., qui sont des jeux absolument formidables en termes de level design. Donc, j'avais comme mon Mario, j'avais Zombie U, tu pouvais jouer avec le Miiverse. Bon, t'avais Nintendo Land. Bon, il y avait Nintendo Land, il y avait des trucs, quoi, voilà, il y avait des trucs quand même. Et Nintendo Land, c'est super fun. Hein. Voilà. On a tendance à l'oublier, mais voilà, tout le monde s'accorde à dire que merde, c'était quand même super drôle. Bon, ça va que c'était gratos avec la console, tu vois, mais... Nintendo Land, c'était vachement bien. C'était moins bien que Wii Sport, mais c'était quand même vachement bien. Ouais, mais Wii Sport, c'était exceptionnel. Attends, pour l'époque, laisse tomber, quoi. Mais moi, je défendrais toujours ce jeu, parce que, vraiment, j'ai passé des moments mémorables dessus, que ce soit avec notre père, à l'époque, et là encore, avec mon fils, qui pourtant, lui, devient vraiment gamer, il joue à des jeux assez corsés. On aime toujours se marrer devant Wii Sport. N'en déplaise aux détracteurs de ce jeu, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès et qui est très casual. C'est le jeu vidéo le plus vendu du monde. Donc fermez votre gueule. Et je vais même dire tout. Plus, c'est que ce qui prouvera qu'on n'est pas du tout des Nintendo haters. Il y a un jeu sur Wii que j'adore et on adore jouer avec mon fils dessus aussi, que tout le monde a cassé quand il est sorti, qui s'appelle Wii Play Motion. Tu sais, c'était avec le Motion Plus d'ailleurs. Il me semble que c'était. Ah oui, je ne me rappelle oui, plus. Ouais. Voilà. Il s'est fait détruire tout. Eh bien, franchement, à côté de 1-2 Switch dont on va parler là, ouais. Si tu veux, c'est la 7e merveille du monde, quoi, à côté. Ouais. C'est super rigolo à jouer, en fait. Ça, c'est vraiment. Alors, quand on déplace, encore une fois, d'attracteur, c'est l'essence même du jeu vidéo. C'est-à-dire que t'es devant ta télé, paf, tu t'amuses tout de suite et avec n'importe qui. Faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est ça. Moi, ça me saoule les gens qui veulent absolument intellectualiser le jeu vidéo en disant que c'est pour les bébêtes. Mais les gars, c'est bébête à la base, hein, le jeu vidéo. C'est maintenant qu'il y a des trucs un peu plus éclairés, entre guillemets. Ça reste dans l'histoire du jeu vidéo. Beaucoup ça reste... plus, même. Oui, ça reste récent, mais le jeu vidéo, c'est ça. Dès lors où tu donnes la manette à quelqu'un, même qui ne joue pas forcément au jeu vidéo et qui est devant son écran et qui s'amuse et qui rigole, c'est que ça marche et c'est que c'est réussi. Bah, c'est ce que voulait faire Nintendo avec la Wii, en tout cas, la première. C'est que ceux qui étaient hors du jeu vidéo... Ça reste du divertissement. Trouver les jeux trop compliqués. Bah, voilà, dans ce domaine-là, Wii Sport est un chef-d'œuvre. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut cohabiter. C'est que pour ceux qui veulent des jeux beaucoup plus réfléchis, des œuvres beaucoup plus profondes, il y a vraiment un choix phénoménal. Et comme dans le cinéma ou dans la littérature. Et pour ceux qui veulent des jeux beaucoup plus, on va dire, basiques, avec un fun immédiat et beaucoup plus accessible, il y a aussi. Et le problème de la Nintendo Switch, c'est que moi, je suis père de famille, comme toi. Bon, moi, mon fils est plus grand que le tien. C'est-à-dire que moi, il joue à Fez aussi, il joue à Broforce, il joue beaucoup aux jeux Nintendo. Il ne joue pas encore. Hein, à plein de choses, voilà. Et moi, je pense que mon cas est symptomatique. C'est que moi, personnellement, tu vois, si je mets le côté familial et paternel de côté, là, la Switch, il m'aurait vendu un 6000 Wii Sport avec, je ne l'aurais pas acheté. Il y aurait eu un 6000 Wii Sport avec la Switch, en tant que père de famille, je l'aurais acheté. Ouais. Parce que moi, il faut savoir que, comme je vous disais, je suis fan hardcore de Nintendo. J'ai eu plein de bons Amazon à Noël que je me suis mis de côté pour acheter la Switch. En tout cas, j'avais pas de quoi l'acheter entièrement, mais en tout cas pour alléger la facture, on va dire, d'une bonne centaine d'euros. Et j'étais prêt à dégainer. Franchement, quand j'ai regardé la conférence, je me suis dit, j'étais quasiment persuadé qu'après, j'allais sur Amazon. Ouais, pour la préco. Pour la préco, voilà. Et en fait, non, j'ai fait 2 mètres de recul. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas possible. Parce que moi, ce qui m'étonne un peu pour du Nintendo, c'est que je trouve que... alors, un de Switch, ce jeu où tu regardes pas la télé, et cette usine à GIF absolument géniale... C'est un jeu de société Ravensburger. Voilà, c'est ça. Un de Switch. Un jeu Ravensburger gênant. La vidéo présentation est gênante. Mais je crois que j'ai jamais été autant gêné devant... Même les présentations de Just Dance, elles sont moins gênantes, quoi. Enfin, lors des autres. Non, mais c'est clair, c'était ridicule. Et, deux Switch, c'est vite montré, vite oublié. Hein. Et le truc, c'est que, voilà, moi, je vois ça, mais je dis, mais attends, mon gosse du haut de ses 6 ans, il joue à des jeux beaucoup plus... Enfin, plus intéressants de manière ludique que ça. Je vais pas lui mettre ça dans les mains. Mais tu vois, je veux dire, mais pourquoi ils ont pas fait... Switch Sport, quoi. Mais exactement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Parce que les manettes, elles marchent comme des Wiimotes. Mais je veux dire, vous ne prenez pas la tête à faire des trucs encore plus... Parce qu'on a beau, défendre Wii Sport, ça reste du jeu low cost, tu vois. Voilà. Fait rapidement, avec des assets pliés en un quart d'heure. Ouais, mais ça, je ne suis pas d'accord. Il est visuellement très simpliste, mais par contre, quand ils l'ont fait, ça n'a pas été low cost. Hein. Ils ont vraiment bossé dessus comme des... Non, mais oui, bien sûr. Tu veux dire visuellement ? Bah oui, c'est pas le triple A, quoi. Voilà, on s'en fout, tu vois. Le but, c'est le gameplay. Mais c'est pas le but de ce jeu-là, de toute façon. Là, avec les acquis qu'il y a eu derrière, et là, avec la précision que les Joy-Con, on reviendra dessus, ont l'air de proposer, et proposent, hein, parce que de toute façon, voilà, c'est assez... c'est assez clair là-dessus, les Joy-Con sont de grande qualité, tu vois. Eux, ils reviennent avec quoi ? Avec du motion gaming. Déjà, le motion gaming, plus personne n'en a rien à foutre. Mais en plus de ça, avec du motion gaming, avec des jeux de moins bonne qualité de ce qu'ils ont fait il y a plus de 10 ans. Donc, rappelle, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, au cas où, donc, les Joy-Con, ce sont... C'est deux mini Wiimotes, quoi. C'est deux mini Wiimotes qui se clipsent. Donc à droite et à gauche de la tablette de la Switch, quand elle est en mode nomade. Quand on met la Switch donc dans le dock pour que l'image soit générée sur l'écran de télé, soit on peut avoir ces deux Joy-Con indépendamment dans la main, soit on peut jouer à deux avec, soit on peut les rassembler autour d'un autre petit dock qui forme une sorte de manette. Voilà. Et ça... Il n'y a pas le truc où tu te dis ouais, tiens, bon, moi, en tant que gros gamer, j'ai rien à me mettre sous la dent, mais par contre, jouer ça avec mon fils, ma femme, des amis qui passent à la maison, la famille, ouais, ça peut vraiment être marrant. Et il n'y a même pas ça. C'est même pire que ça. C'est que je trouve qu'un de Switch, limite, mais tu vas montrer ça à quelqu'un, on va se foutre de ta gueule, quoi. Enfin, c'est nul. En fait, quand tu étais devant la télé, que tu avais vraiment un jeu, tu sais, avec, pareil, je vois pour Wii Tennis, là. Avec c'est le tennis avec les petits personnages, tu mets la tête, déjà tu fais le mi, tu vois, bon ça fait rire tout le monde, tu vois, tu fais le mi de ton pote ou je sais pas quoi, et paf, après t'as vraiment un, tu vois, tu joues, ça reste un jeu, il y a la télé, tout le monde regarde, ok, là t'as pas ça, t'as le, là c'est vraiment c'est un peu Pictionary slash dessiner c'est gagner, c'est du jeu vidéo sans vidéo en fait, enfin c'est, oui, parce que t'as pas besoin de la télé, donc c'est pas là, du jeu vidéo, enfin là tu mimes des trucs et puis bon, j'imagine que t'as une voix ou des petits trucs sur l'écran qui dit bon bah c'est toi qui as gagné ou c'est toi qui as gagné, mais tu vois, je vais pas demander, c'est tout con hein, mais je vais pas demander à mon père de faire semblant de traire une vache, quoi, tu vois, il va me dire non mais bon, non mais ça cette vidéo, mais je veux dire là, comment genre, ils ont pas pu se dire, parce que où on traite une vache, la vidéo avec les cowboys machin. Mais on dirait des animateurs de goûter pour enfants. Mais... Et celui hyper tendax, où ils sont en train de traire la vache, me dit, mais comment ils ont pas pu, sachant que Nintendo, voir la com de malade, un des rares trucs qui les a sauvés ces derniers temps, c'est qu'ils faisaient vraiment des coms, que ce soit avec les marionnettes, que ce soit le combat Iwata-Regi. Il y a eu pas mal de choses vraiment. Ils ont été agressifs. Ils ont été très futés. Novateurs, on va dire. Je n'ai jamais vu une com aussi infantilisante et aussi débile. Comment ils peuvent se casser la gueule? Franchement, je vois des pubs. Mais c'est même pas une question de com, sur les chaînes, je finis juste ça, sur les chaînes de dessins animés que regarde mon fiston, je vois des pubs qui sont moins. De jouer pour enfants, qui sont moins ridicules que ça. Et d'ailleurs, tu disais. J'ai réussi à faire pire que les pubs Nerf, quoi. Voilà, quand tu parlais de Ravensburger, mais c'est exactement ça, c'est du Ravensburger plus. Ce qu'on voit là. C'est du Ravensburger à plus de 300 balles, quoi. Voilà, pour les parents qui nous écoutent, c'est des jouets qu'on voit. Dans les pubs tout au long de l'année sur les chaînes enfants, qui sont moins précis certes, mais c'est pareil là, Axel pour son Noël, les parents c'est pareil quoi, c'est... il a eu un truc qui s'appelle Power Quest, c'est exactement ça, c'est un truc que tu mets sur toi, tu dois aller récupérer un objet, quand ça bip il faut tu mets une sorte de plastron sur toi, quand ça bip faut que tu t'arrêtes, quand c'est en vert faut que tu cours, bon c'est rigolo. Mais alors oui, c'est du flan. Hein, et puis ça coûte pas 320 balles. Oui, alors oui, bien sûr, c'est beaucoup plus précis parce qu'il y a ces soi-disant. Alors ça, j'adore ce terme qu'ils ont inventé, la vibration HD. Ouais. Avec oui, t'as l'impression. Les enfants s'en foutent, le grand public s'en fout. Oui, et surtout, ce qui me fait dire que c'est antifamilial, c'est que je sais pas. Ça moi, intéresse personne. Tout le monde. Enfin, moi, les retours que j'ai eu de la presse qui a été sur place. Que ce soit même c'est permissif apparemment, même ceux qui se détestent, hein, c'est-à-dire tu prends Gameblog, Gamecult, jeu actu, tout le monde disent la plupart en tout cas que c'est vachement moins agréable, enfin moins vachement moins précis dans le feu de l'action, tu sais quand il faut secouer dans tous les sens qu'une Wiimote, parce que le Joy-Con a tendance à se retourner, parfois t'appuies sur des boutons que tu sur lequel tu n'avais pas prévu d'appuyer. Il paraît que par rapport à une Wiimote... C'est très petit, ouais. Et voilà. Il y a la taille aussi qui fait un petit peu peur. Le truc, c'est que vraiment, moi, je trouve que One to Switch est vraiment symptomatique de la maladresse et de la maladie qui est au sein de Nintendo, parce que là, on peut vraiment... C'est bon, on peut le dire, ils sont malades, dans l'intérieur. c'est que la société ne fonctionne plus et prend les mauvaises décisions et commence à faire n'importe quoi. C'est que là, ils avaient le temps, quand même. Depuis que la Wii U se casse la gueule, ils avaient le temps de proposer des choses plus intéressantes, ils avaient le temps de bosser sur un simili Wii Sport, si à la limite t'as pas d'idée, parce que là ils viennent de prouver qu'ils ont plus d'idée. Là vraiment ils sont à court d'idées, même pour leur nouvelle console. Si t'es à court d'idées, tu réitères sur ce qui a fonctionné et tu l'améliores et tu montres un peu les fonctionnalités de ta manette. Bah, si Mini Wii Sports, c'était toujours mieux qu'un 2 Switch, ça c'est sûr. Exactement, un 2 Switch, je veux dire, bon voilà, ça c'est clair, ils n'ont pas testé en interne, enfin, ou alors ils sont complètement aveugles, ils n'ont pas vu que de toute façon c'était pourri. Parce que, quitte à faire 1-2 Switch, soit ils font 1-2 Switch, bon, d'accord. Mais alors à ce moment-là, il faut s'en servir du tutoriel pour les Joy-Con et le fait de mettre la machine sur le dock et de l'éclipser sur la tablette. Donc, en théorie, tu l'offres. Oui, avec la sauf machine. Que là, c'est vendu. Rappelle-le-moi. 50 balles. Ils vendent ça 5... Non, même gratos, ça m'aurait pas fait acheter la console parce que je trouve ça ridicule. Mais 50 balles en plus, quoi. Mais c'est... On est du niveau d'une petite appli mobile, quoi, vite fait, gratuite, avec des pubs. Mais... 50, c'est plus cher que The Witness et Inside. C'est plus cher que les meilleurs jeux indépendants. Attends, mais attends, je te coupe tout de suite. Même pas qu'un deux, c'est plus cher que les gros jeux de fin d'année qui ont baissé là. Tu prends un The Last Guardian, tu le trouves pour 30 euros. Dishonored 2, tu le trouves pour 30 euros. Tous les gros jeux de fin d'année, les Battlefield 1, tout ce que tu veux, que ce soit du jeu profond, du jeu bourrin, tout ce que tu veux, ils sont tous moins chers. Même à 10 euros, c'est trop cher. Ça devrait être une appli gratuite. Ça devrait même pas avoir de boîte, tu vois. Ça devrait être dans la console. Tu sais, comme les petits jeux sur 3DS. Tu sais, les trucs sur 3DS, là, genre les puzzles, le petit truc d'aventure, etc. Tu sais, qui sont pas en boîte. Parce que de toute façon, c'est des applis qui sont dans la console. Ça devrait être une appli définitivement installée dans la console. Oh, mais c'est honteux. Que tu montres à tout le monde. Ça devrait pas être un jeu que tu... Non, mais je te jure, j'en ai des vertiges de penser que c'est un jeu qui est payant. Mais personne va l'acheter. Ça va être un des plus gros bids de l'histoire de Nintendo. Depuis Wii Music, on en reparlera, ça va être leur mais plus gros bid. Tu sais ce qui bid est ouf, c'est que avec Wii Music. Même Wii Music était moins ridicule. Hein. Franchement... Ah bah oui. En plus de ça, avant de passer au line-up, quand ils ont présenté la console, bon, l'autonomie, soit... Mais oui, faudrait qu'on parle des, voilà. des caractéristiques quand même. C'est l'USB 3, donc ça se recharge vite. Bon, bref. Soit l'écran est de très bonne qualité, ok, c'est cool. Ouais, c'est le seul truc où tout le monde s'accorde, voilà. C'est que, ouais, et en plus, apparemment, il est haptique. Sauf que comme la boîte qui fait l'écran est en procès avec Apple en ce moment, c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'ils communiquent pas trop là-dessus. Bon, mais apparemment, tout le monde s'accorde à dire que bah, l'écran est bien haptique et qu'ils ont bien signé un contrat. Alors, rappelle-nous ce que c'est, écran haptique, pour ceux qui... Alors, un écran haptique, c'est-à-dire que quand tu passes le doigt dessus, c'est un peu comme... Ça va, en fait, dans leur philosophie de, c'est les Wiimote HD, etc. C'est que quand tu passes ton doigt, tu sens le relief et un petit peu les matières. Oh, c'est pas ce qu'ils avaient annoncé déjà il y a quelques années, quand un brevet qui avait fuité... Voilà, je me et souviens apparemment... De ça. Même avant la Wii U, ils en parlaient de ça. Oui. Et apparemment, c'est déjà le cas, en fait, dans la tablette. Mais ce n'est pas implémenté avec les jeux, pour l'instant, qu'ils ont montré. Mais, par contre, ils sont bien... Alors, je ne me souviens plus de... Je crois que c'est Immersion Corporation, la société. Ils sont bien en contrat pour la tablette Switch pour fournir les écrans optiques. Voilà. Maintenant, à voir. Nintendo n'a pas démenti. Bon, c'est à voir. Mais bref, bon, ça va pas non plus révolutionner. Hein, voilà. On rappelle son prix. Alors, juste avant, tu sais qu'on aille plus loin dans la discussion. Pour ceux qui auraient pas toutes les infos, parce que voilà, ceux qui nous écoutent peut-être attendent qu'on donne quelques infos, qu'ils ont pas eu le temps d'aller voir. On rappelle que la date de sortie, c'est 3 mars 2017, donc c'est ça, ouais. Que chez nous, donc aux États-Unis, coûte 299 $. Chez nous, c'est une moyenne de 329 € en général. Alors, c'est Nintendo qui l'a bien retweeté. Hein. Ça dépend les enseignes, parce qu'en France, tu ne peux pas imposer un prix aux enseignes. Après, c'est un prix conseillé. Mais le prix conseillé de Nintendo, c'est 329 et il sera 329 par contre. Voilà. Le support de jeu, ce sont des cartouches. Donc, pour vous dire, grosso merdo, un peu comme sur Vita ou 3DS, quoi. Voilà. Voilà. Faible capacité. Voilà. L'écran, il fait 6,2 pouces. Donc, il est tactile. La réseau. Sur l'écran de la Switch, parce qu'il faut rappeler que la Switch, la console, c'est vraiment la tablette. Hein. Ça, on le rappelle bien. C'est du 720p et soi-disant du 1080p pour l'affichage sur la télé, non. Mais c'est de l'upscale. Non, mais ça, je te parle, ce qui est annoncé officiellement par Nintendo. Hein. Voilà. Ouais, j'ai l'affiche sous les yeux. 1080p. Aucun jeu sera en 1080p. Voilà, ça, c'est la clair. La console n'est pas assez puissante. Enfin, autre gros scandale qui me fait dire que Nintendo, et je le répète encore, niveau hardware, hein, bien sûr, vit à l'âge de pierre. L'espace de stockage interne, alors, 32. Tenez-vous bien, 32 Go. Donc ça, c'est vraiment... sachant que rien que le Zelda en fait à peu près la moitié. Donc, oui, et que... Et t'as l'OS. 32 gigas sans compter l'OS. Ça, voilà, sans faut compter l'OS. Ça c'est à la Apple, quoi. C'est-à-dire quand on t'annonce quand t'achètes un iPhone de 16 gigas, t'as pas 16 gigas de stockage parce que t'as l'OS qui prend de la place. Donc déjà t'as ça. Donc ça c'est. Alors il y aura la possibilité d'ajouter des cartes micro SD. Alors des micro SD XC ou HC. Alors après là, je suis pas assez pointu sur les cartes micro SD. En fait, ça veut dire que c'est pas un format propriétaire. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Voilà. En gros, voilà. C'est, bah, j'ai envie de te dire, encore heureux, quoi. Enfin, donc ça, c'est encore un coup de poing dans la gueule pour moi. Bah, bonjour, c'est le retour des cartes mémoires. Voilà, ça c'est. C'est le retour des cartes mémoires. Oui, sauf qu'à l'époque, les cartes mémoires c'était pour sauvegarder les jeux. Là, c'est pour les installer, donc c'est quand même pire. Ouais. Sachant que tu prends une n'importe quelle Xbox ou PS4 de base dans le modèle le plus bas, t'as 500 gigas, mais je trouve ça mais scandaleux. Ouais. L'autonomie, parlons-en. On nous annonce de 2h30 à 6h30. Ouais. Donc bonjour le grand écart. Hein, donc autrement dit, si tu joues à Zelda avec les fonctionnalités en ligne ouverte, au bout de 2h, t'as plus rien. Ouais. Voilà. Donc c'est du port. Donc il y a deux ports USB 2.0 à l'avant. Un port USB à l'arrière, une sortie HDMI et un port alimentation en USB-C. Ça, c'est pour recharger, je pense. Et petite cerise sur le clafoutis, pas de port Ethernet. Hein, voilà. Sinon, il faut que tu achètes un adaptateur. En même temps, les ports Ethernet, tu as vu comment c'est large ? Alors, c'est vraiment, je me fais l'avocat du diable. Tu as vu comment c'est carré et gros, un port Ethernet ? S'ils veulent une tablette fine, c'était pas possible. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont pas mis sur le dock. C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, paf, tu mets ta console dessus et hop, c'est bon. Bah, ça, non, pareil. Parce que c'est trop évident. Donc, c'est inexcusable, pour, enfin, à mon avis. Hein. Donc. Bah, surtout que, tu sais, en plus, ça va complètement à l'inverse de la communication sur le jeu compétitif en ligne. Parce que de toute façon, Wi-Fi, tu auras toujours des pertes de débit. Tu seras jamais. Bah, ceux qui sont accros, qui sont accros. Les jeux de baston, t'oublies, hein, parce que c'est forcément en Ethernet. Hein. Donc, voilà. T'oublies les jeux de baston. Voilà. Ceux qui sont accros aux gens en ligne. Passez votre chemin. Voilà, en clair. Au niveau, non, mais ceux qui sont très branchés e-sport, par exemple. Parce qu'on aurait très bien pu imaginer, genre League of Legends sur la tablette, tu vois. Non, mais c'est ça. Là, mais t'oublies, hein, c'est mort. Hein. Qu'on aime ou pas le e-sport, c'est une grosse tendance qui ne fait qu'augmenter depuis bien plusieurs sûr. Années. Même Canal maintenant diffuse des trucs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend une place énormissime. Et bon, bah voilà, Nintendo vit encore dans là son où... monde. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que si tu te souviens, lors de leur première vidéo de présentation... Bah c'est ce que je viens de dire. Ils mettaient l'accent sur la compétition. Voilà, excuse-moi, j'avais pas entendu, ouais. Ouais. Tu vois, donc ouais. C'est dingue. Je mange un peu. Hein, oui, t'as raison, vas-y. Bah juste pendant ce temps-là, je rappelle donc que dans la boîte, tu auras un câble HDMI, merci, trop aimable, un câble secteur, la station d'accueil pour la console, donc c'est-à-dire celle qui met l'image sur ta télé, une paire de Joy-Con et ses Dragon. Et ouais, un support pour les Joy-Con. Support pour les Joy-Con qui ne recharge pas les Joy-Con d'ailleurs, hein, il me semble. Voilà. Le jeu en ligne, alors, autre blague. Non, mais c'est un festival, hein, accrochez-vous. Attends, tu peux pas jouer en rechargeant les Joy-Con. Hein. Ah oui, ça aussi, oui. Ah bah ça, j'avais oublié, tu vois. T'as raison, ouais. Non, mais voilà, c'est hallucinant. Si, pour les recharger, t'es obligé de les laisser, quoi. De non, mais jouer. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et le support pour les Joy-Con, tu vois, ils auraient très bien pu mettre, c'est-à-dire comme tout le monde depuis la Xbox 360 et la PS3, mettre un petit câble. Et puis même maintenant, tu sais, c'est toutes les consoles. Mais tu as un petit câble, comme ça tu joues et puis tu recharges en même temps. Non, tu mais ce qui est dingue, c'est que, avant de continuer, c'est que moi qui ai toujours dit dans cette émission que la Wii U avait des jeux excellentissimes et qu'il faut que vous fassiez tous pour votre culture de joueur, mais que c'était une machine mal branlée. Eh ben, elle me paraît encore plus sexy qu'avant, maintenant, quand je vois la Switch, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. Bref. En fait, elle fait moins tuck en main, mais il manque la moitié de ce qu'il faut pour que ça soit une machine commercialisable. Voilà. Enfin, commercialisable compétitive. Alors, le jeu en ligne. Je précise que le jeu en ligne va être payant. Bon, ça là-dessus, j'ai pas crié au scandale parce qu'en face, ils font pareil. Donc, OK. Oui, en face, ils font pareil, mais t'avais moyen de tirer ton épingle du jeu. Mais, non, mais attends, c'est ça la blague. C'est que, surtout que leurs serveurs sont pourris. Donc, Quand t'es abonné au PlayStation Plus ou Xbox Gold, je crois chez Xbox, il me semble que ça s'appelle Gold, donc tu payes pour jouer en ligne, mais aussi tu as le droit donc, à plusieurs jeux gratuits, entre guillemets, par mois, qui sont toujours disponibles si tu ne t'es pas désabonné. Voilà. Oui. Et même si tu te désabonnes, que t'as oublié de, je sais pas, de renouveler. C'est comme Netflix un peu, tu vois, t'as abonné, t'as accès aux vidéos, là t'as abonné, t'as accès aux jeux. Parce donc, que tout à fait Nintendo logique, a enflammé les fans en disant bah vous aurez des jeux NES et Super NES offerts avec cet abonnement. Putain, un truc trop bien, tu vois, tu dis ah ouais, trop cool. Bien. Ouais, ils seront dispo qu'un mois. Après, ils seront obligés de les acheter. Même si t'es toujours abonné, hein. Et même si tu les as achetés depuis la Wii, c'est avec la. Enfin, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on rachète les mêmes jeux, tu vois, mais c'est ça. Sur leur serveur de merde avec leur émulation toute pourrie. Oui, si mais il y aura des fonctionnalités en ligne. Ouais, mais casse-toi. Tout le pognon que j'ai foutu et que je mets encore parfois sur la console virtuelle, donc de la Wii, première du nom, parce que le store marche encore, sur la Wii U ou sur la 3DS, et là, ils te font ça, mais c'est vraiment une insulte aux fans, quoi. Enfin, attention, alors là, tu viens d'envoyer une balle de ping-pong avec cette info. Moi, je réponds à ta balle avec la seconde enfilade du jeu en ligne, c'est que, et ça c'est une fausse excuse, c'est que comme ils savent pas faire d'interface, tu sais, à la Sony, avec vas-y je partage mes vidéos, je chatte avec des mecs en même temps que je joue, etc., enfin comme Microsoft, alors ça, il y aura pas ça sur Switch, il faudra télécharger une appli mobile pour pouvoir chatter et faire et le contrôle parental et faire ses rooms, en gros, ses matchmaking, etc. Ce qui veut dire, en plus d'avoir une Switch qui a une batterie pas terrible, que tu peux pas jouer en rechargeant tes manettes, bah, en plus de ça, il faudra recharger ton téléphone pendant que tu joues en ligne. Parce que si tu le branches pas, on les connaît, les batteries de nos téléphones, elles vont sauter en deux secondes, mais il y a que comme ça que tu pourras chatter ou parler. En fait, c'est ce qu'ils font. Ils font ce qu'on faisait avant, tu sais, quand on jouait genre à, je sais pas, à Sharon's Call, bon, là, c'est vraiment les vieux, à Sharon's Call ou Dark Age of Camelot, c'est-à-dire que tu sais, tu mets Skype à côté ou TeamSpeak, tu vois, en même temps que tu joues en ligne. Ouais, faut que tu t'arranges comme dans les années 90, quoi. Voilà, ou même 2000 encore, parce qu'il y a toujours des gens qui utilisent TeamSpeak, mais voilà, tu bidouilles, tu vois, pour pouvoir discuter avec tes potes pendant que tu es en train de jouer. C'est-à-dire que tu te retrouves avec les aléas avec des grandes guillemets, hein, du PC, tu sais, du Mac pour le jeu en ligne, chose que normalement, justement, c'est l'atout d'une console, c'est que tu branches et tout marche, c'est très simple d'accès. Tout est unifié. Ah, voilà, je peux déjà parler, blablabla. Là, tu as une tablette dans les mains. Pourquoi elle ne fait pas les fonctions de ton téléphone? Je veux dire, pourquoi tu n'as pas un petit micro-casque à la con? Mais regarde, tu avais ta tablette au pieu, tu mettais ton micro-casque et tu parlais avec tes potes quand tu jouais à Mario Kart. Non, faut ton téléphone à côté. C'est... Non, mais rien que quand je dis ça, Bruno, rien que quand je suis en train de te le dire, touça me prouve que de toute façon, cette console est vouée à l'échec en l'état. Elle ne se vendra pas. Tu peux pas demander ça aux gamers, hein, et tu peux pas demander ça au grand public. Tu peux pas dire à ton gamin qui veut jouer à Mario Kart en ligne avec tes potes, tiens, faut que papa te file son téléphone portable parce qu'il a fallu que papa télécharge l'appli de Nintendo pour pouvoir parler et faire tes matchmaking. Ce n'est pas possible. Non, mais tu peux pas demander ça. Alors, j'insiste sur les gamins, mais faut arrêter. La principale cible de Nintendo, 80% de la cible de Nintendo et du gras que se fait Nintendo, c'est sur les familles et les gosses. Le 20%, c'est vous, c'est nous, là, qui sommes en train de parler. Nous, on ne représente rien. En marge commerciale, on représente qu'un infime pourcentage. C'est ce coche des familles ratées que je ne comprends pas, c'est que Nintendo, et on l'a vu avec... Faut bien que les gens assimilent ça. Hein. On l'a vu avec la NES Mini. Nintendo a des gros, gros fans qui sont prêts à mettre vraiment la main au porte-monnaie dans les plus de 30 ans, comme nous. Mais ça représente un infime pourcentage du mais justement, la Switch, c'était le moment vraiment de plus que jamais d'avoir une offre familiale à la Wii et dans une moindre mesure, enfin, la Wii U a une offre familiale, sauf qu'elle a moins de succès, mais faire une offre très familiale à la Wii U, couplée. Mais la Wii U est trop chère. Le problème de la Wii U, c'était le prix. Voilà, c'est ça. Couplée à quelque chose de. Comment à une offre gamer trentenaire, quarantenaire à côté. Il y aurait eu ces deux pans-là, ce côté nostalgique à la NES Mini, tu vois, plus quelque chose de très familial, genre un Wii Sport ou un Nintendo Land Bis qu'utilisait le Joy-Con. Mais c'était le et un prix en dessous de 300 euros, c'était le jackpot. Je reviens là-dessus, Noël. Oui, parce que le prix des accessoires aussi. Oh, voilà, putain. Le Noël qui vient de passer, là, pas celui qui vient de passer, donc prochain. Pas Noël 2016, mais le Noël 2015. Noël 2015, la Wii U, ils auraient fait un pack à 120 balles. Allez, on peut rêver à 99 euros avec Mario Kart. Oh, bah c'était la folie. On n'aurait pas cette discussion. Bien sûr. malgré l'échec, tout le monde en aurait une, j'en aurais une. Tous les joueurs qui n'ont jamais sauté le cap l'auraient sauté. Tous les parents qui auraient vu qui achètent des 3DS en masse en période de Noël, ils auraient vu une tablette Nintendo avec un Mario Kart super joli à 99 balles ou à 120 balles. La majorité des parents occidentaux aux États-Unis et même au Japon, les gens, peut-être un peu moins au Japon, mais ils auraient multiplié par 100. Mais je vais te dire un truc, c'est que là, cette Switch, elle paraît pas du tout aboutie. Et encore pire que la Wii U. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que. Je me dis, imagine, tu vois, il se serait donné encore un an pour la peaufiner. Et là, ils auraient sorti. Ça aurait rien changé, je pense, Bruno. Non, mais je parle pour la Wii U, tu vois, par exemple. Oui. Ils auraient fait des packs. Ils auraient garder le Zelda pour la Wii U. Ils auraient fait des packs Mario Kart et des packs Zelda, là, à Noël, avec une baisse de prix, ça aurait été le raz-de-marée. À 100, allez, 130 euros. Ça aurait été le raz-de-marée. Ça aurait été un raz-de-marée, voilà. C'est clair. Parce qu'en face, en nouveauté, t'avais quoi ? T'avais la PS4 Pro. Et là, pour Noël, je veux dire, on a tous une PS4, tu vois. Là, il n'y avait pas de nouvelle console. Microsoft, c'est mort. Désolé hein, pour les fans de Microsoft, mais c'est la réalité. Hein. La Scorpio, c'est leur dernière console. On en reparlera. Il y avait vraiment... À voir, moi je ne suis pas sûr, mais bon, c'est un autre débat encore. Il y avait un atout à jouer. Il y avait vraiment... Oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ils ont depuis même l'avant Wii U, ils ont des boulevards qui ratent. Ils ratent des boulevards. Ils ont des cartouches, il faut juste prendre l'embranchement de ce que tout le monde demande, et cet embranchement de ce que tout le monde demande, ils ne le prennent jamais. Là, ça va faire deux fois quand même d'affilée. Quand on double les échecs, on sait très bien comment ça se passe, même quand tu as de la trésor. Là, c'est quand je parlais de... Bon, ça, on va plutôt se garder ça en conclusion, mais c'est au-delà du fait qu'on est des fans de The Boo, on n'est pas content. Là, je parle vraiment sur le terme business, et depuis le début, je parle de business. Parce que, tu vois, quand j'ai l'air de râler par rapport aux gens en ligne, moi, j'en ai rien à branler, je ne joue pas en ligne. Moi, je joue pas en ligne non plus. Voilà. Je pense avant tout au business du marché. Mais il faut penser au marché, voilà, tout simplement. Et à la santé du marché. Et là, c'est grave ce qui est en train de se passer. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais nous, même en tant que développeurs, on sait très bien comment ça se passe. Quand il n'y a plus de concurrence et que tu n'as qu'un seul maître à bord, c'est le bordel. C'est le bordel parce que le marché est plus concurrentiel et le maître à bord devient beaucoup plus laxiste, slash avec des exigences complètement arbitraires. Enfin, je veux pas, tu vois, faire. Enfin, je veux pas dire que ce qui va se passer, c'est exactement ce qui s'est passé avec Atari, tu sais, à l'époque. Non, je pense pas, non. Avec le crash du jeu. Non, mais je pense qu'on va vivre. On risque de vivre une situation inédite qui sera pas de cet ordre-là, je pense. Bah, grâce au mobile. Mais... C'est grâce au mobile, mais t'imagines, il y aurait pas le jeu mobile. Y aurait et puis le jeu PC qui est très fort et qui se porte bien aussi. Oui, mais... je sais, mais c'est pas grand public. Moi, je parle du grand public. Oui, oui, oui. Mais en termes de. Là, enfin, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que, comme tu le disais, c'est... Le marché risque de s'appauvrir, quand même. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que moi, à l'époque où j'étais journaliste jeux vidéo, j'allais à des présentations de machines. Et c'est vrai que quand tu vas à une présentation de machines, tu peux être d'une impartialité totale. Tu peux avoir confiance en ton jugement, ne te dire indifférent aux influences du constructeur, tout ce que tu veux, tu la découvres quand même dans un cadre qui est vachement plus chatoyant, et je pense que parfois tu as moins de recul. Là, ce qui s'est passé avec les retours de la Switch, de la plupart des... enfin, de beaucoup de journalistes, c'est que je pense qu'il y a eu un peu un petit effet FF15, où quand tu la découvres, tu vois, où je me suis dit, merde, on marche sur la tête, là. C'est que t'en as qui sont vraiment tombés sous le charme, et je pense qu'on peut tomber sous le charme quand on a les Joy-Con dans la main, qu'on essaye. Il y a une ambiance. Non, puis même, la machine, elle fait envie. La machine, elle fait envie. Mais elle n'aurait pas tous ces travers qui mais sont mais même ceux, dingue, tu elle... vois, et c'est dingue, même ceux qui sont moqués par leur... enthousiasme. Leur enthousiasme excessif, comme Julien Chesse, par exemple, par équité, parce que c'est vrai que nous, on est beaucoup plus clients de GameCult. Par équité, donc GameCult a été très critique. Moi, j'ai suivi les deux. Hein. Moi, j'ai été voir les fameuses vidéos dont tout le monde se moque, et j'ai quelque chose à vous dire de Julien Chesse. Ouais. J'ai quand même voulu voir son avis. Je l'ai trouvé hyper contrasté. Oui, c'est très gris. Hein. Gris. Voilà. Hein. Et juste pour qu'on termine sur le matos de la manette, c'est le prix des accessoires. La manette Pro à 80 euros, la paire de Joy-Con à 90 euros, un Joy-Con seul, 55 euros, un support pour Joy-Con, 30 euros, la Dragon, 6 euros. Enfin, vraiment, c'est... Non. C'est ouf, quoi. Ils sont dans un autre monde. Je pense que Kimishima, qui est un putain de comptable, Kimishima a vu la hype autour de la console. Donc tout le monde s'accorde à dire que c'est ça. Justement, ça m'étonne. Moi, je pensais qu'on... Ça a monté. C'est dingue. Et ils se sont dit, bon, allez, vas-y, 320 balles. Allez, vas-y, les manettes 90 balles. Je pense qu'ils se sont emballés, en fait. Le soufflet va retomber. Là, ils ont annoncé des prix. Les prix vont rester comme ça. Mais je peux pas croire que avant Noël, tout ne soit pas divisé par deux. Je peux pas y croire. Et moi, ce que j'ai un peu peur aussi, pour ceux qui se sont jetés dessus, qu'on Parce que moi, voilà. Et t'as vu, les jeux, c'est 60 balles. Hein. Alors voilà, les jeux sont chers. On va parler des jeux. On va rentrer dans le cœur du truc, c'est-à-dire les jeux, quand même. C'est qu'il y a deux choses. Pour moi, la Switch, son intérêt tournait autour de deux jeux. Ouais. Le Zelda et le Mario. On va revenir sur le Mario après, mais... Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, voilà. Je te rassure. Le Zelda, le truc, c'est que j'ai une Wii. J'ai une Wii U. Ben j'ai, oui, j'ai une Wii aussi, mais j'ai surtout une Wii U, en l'occurrence pour le Zelda Breath of the Wild. Ouais. Le Zelda, c'est clair et net. C'est vraiment un portage donc, de la version Wii U, qui a été pensé à la base pour la Wii U. Donc là, aujourd'hui, là le jour où on parle, Nintendo a communiqué les différences qu'il y aura entre les deux versions. Donc en clair, une raison un peu plus haute et que ça tourne un peu mieux, quoi. Mais grosso merdo, c'est les mêmes jeux. Ouais, moi ce qui me fait peur, c'est que déjà sur Switch, ils tournent mal. Alors sur Wii U, j'imagine. Les retours qu'on a eus voilà, sur la version Switch qui a été présentée là, lors des events, c'est quand même incroyable. Elle fait un peu peur, ouais. Tellement elle est moche et tellement... Enfin moche. Ah, mais surtout, c'est... C'est faible. Ça n'a voilà, pas de sens. Non, mais même, ça n'a pas de sens. C'est parce que quand tu le mets sur le dock, le jeu est plus terne et... Il est plus moche sur la télé. Et moins fluide. Alors que quand tu le mets sur la tablette, tu gagnes en framerate. Non, mais juste, oui, mais justement, what the fuck. Si, ça a un sens dans la connerie. Mais ça a un sens, c'est que la Switch... j'ai failli faire un lapsus révélateur. La Switch, c'est comme ce que je disais lors de l'épisode où on faisait un peu nos projections sur la Switch, et c'est ce que je redoutais, et c'est ce qui s'avère être visiblement le cas, c'est que ce n'est pas une console de salon et une console portable, c'est une console transportable qui se met sur la téloche avec une image qui est plus dégueulasse et qui n'est pas optimale, c'est-à-dire que, encore une fois, à côté... Ouais, c'est genre AirPlay, quoi. C'est le, voilà. C'est le, non, mais c'est anciennement ça. Le AirPlay. Voilà. C'est ce qui est flippant. Et tu prends, pour revenir sur le Zelda, j'ai posté, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook, je suis hyper attentif à ça, je regarde, les comparos de sites très très sérieux, hein, comme Digital Foundry, par exemple, qui sont excellents en la matière, les comparos techniques des deux Zelda, sachant que toi, comme moi, j'ai pas besoin qu'un Zelda soit un fou de regard technique. Hein. C'est pas... non, ça, je m'en fous. Mais j'ai une Wii U. Qu'est-ce que je vais acheter ? Une Switch, 329 boules, sachant qu'on n'est pas riche, hein, on gagne pas des milliers des cents, pour avoir un jeu un poil plus fluide avec des textures un poil plus fines. Vraiment, tu vois les deux jeux tourner à côté, franchement, c'est pas scandaleux. Moi, je vois sur par exemple, The Last Guardian, je sais que sur PS4 classique, celle que j'ai, il rame plus... y a des trucs qui sont moins fins, ça m'a pas empêché de me prendre la claque historique que je me suis pris dans la gueule, dont je vous ai parlé en début d'émission. Donc voilà, bah, si le Zelda il tient vraiment ses promesses, je prendrai mon pied sur Wii U. Voilà, je vais pas acheter. Moi, c'est clair que Day One, je l'achète. Voilà, et on parlera en fin d'émission sur cette petite rumeur qui est en train d'enfler là, sur la dispo sur Wii U en Occident. Mais bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter 329 €? Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de Wii U et qui veulent absolument jouer au Zelda dans sa version plus, il faut bien se rendre compte que j'ai pas l'impression que ce sera une version si plus que ça. Enfin, pour l'instant, on peut être surpris. Par le fait que c'est nomade, mais il va surtout falloir attendre Noël, parce que vraiment, moi je vais tourner en boucle là-dessus, mais je suis désolé, c'est le principal problème. Toutes les caractéristiques un peu moisies, l'autonomie, le fait que la console soit très peu puissante, que les fonctionnalités en ligne soient archaïques, qu'un des rares trucs que Nintendo avait créé et qui était très sympa avec la Wii U, la Wii et la 3DS, donc tout ce qui concerne les Mii et le Miiverse, ça saute. On va pas en parler 3 heures, mais voilà, sachez-le, ça saute, ça n'existera plus. Donc même le peu de trucs sympas qu'ils ont créés pendant leur échec, il passe ça à la trappe, parce que je sais pas pourquoi. Alors, les Mii, parce que c'est vrai que l'interface, enfin, tout ce qui est software, en fait, environnement dans la Switch, c'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Sur les screens qu'on voit, c'est très... on voit quand même toujours une tête de Mii, mais bon, j'ai l'impression que ça va se réduire à sa plus simple expression. Ouais, c'est très, très rudimentaire, même. Enfin, lui. Donc, définitivement, hein, tout ce que je disais, Twitter, Facebook, le côté c'est une tablette, donc ce que j'ai sur mon iPhone ou mon iPad, je l'aurai aussi sur sur ma Wii U, sur ma Switch, etc. Donc ça, je pense qu'on peut oublier, parce que s'ils communiquent pas dessus, c'est que de toute façon ils en ont rien à branler. Je pense qu'ils savent même pas ce que c'est, en fait. Je crois que c'est, à mon avis, ils savent même pas que ça existe. Et pourquoi je reviens là-dessus, c'est que tout ça, ça ne vaut pas 300 €. Tout bah, ça. Et surtout avec ce line-up, qui ça pour vaut moi 190 euros. Ah ouais, pas 200 plus. Euros pas avec plus. Un jeu. Grand maximum. Là, ils sont. C'est même pas genre, ah, c'est genre 50 balles trop cher. C'est que putain, faut être lucide, les mecs. Retirez votre cerveau de fan ou votre cerveau de joueur de jeux vidéo et allez, allez à Carrefour ou allez à Auchan, à, je sais pas, Épinay-sur-Seine. Personne ne va acheter ça à ce prix-là. Personne. Et surtout, personne, avant que j'y pense plus, Julien, j'aimerais préciser quelque chose. C'est que j'en ai marre aussi de lire sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais regardez, au lancement de la PS4, il y avait rien, machin. Non, non. Moi, au lancement de la PS4, j'avais pris le pack avec Infamous Second Son, que j'ai adoré d'ailleurs. Je me suis amusé comme un fou, et très vite, il y a quand même eu des jeux en boîte et en démat. Il y avait vraiment de quoi faire, et d'ailleurs, j'avais même pas eu le temps de tout faire au début. La Wii U, il y avait quand même New Super Mario Bros. U, qui moi m'avait enchanté. Moi, j'adore les New Super Mario Bros. Il y avait Zombie U, certains ont aimé, d'autres ont pas aimé, moi j'ai pas aimé. Mais au moins, il y avait des choses, quoi. Là, non, et puis c'est omettre, alors ça c'est vraiment c'est dingue d'être à vogue à ce moment là quand même. Et puis aussi c'est omettre, faut pas oublier le contexte, et il faut pas omettre que Sony, quand ils sont arrivés avec leur PS4 ou quand ils sont arrivés avec leur PS3, ils étaient tout puissants. Et quand t'es tout puissant et que t'as la puissance de la marque PlayStation, où de toute façon les gens qui achètent une PlayStation savent très bien qu'il y aura tous les jeux de la planète en dehors des jeux Nintendo. Oui, c'est un investissement sur l'avenir aussi, quoi, voilà. Les gens ne se posent pas. Non, puis il y avait plus de choses. Enfin, je suis désolé. Oui, et puis bon, il y avait aussi plus de choses, mais même, c'est débile de dire ça, mais c'est tellement, mais tellement omettre juste le marché, c'est-à-dire le principal. Parce que là, Nintendo devait prouver, et là, en fait, ce qui est hallucinant. Ils avaient aussi, tout à prouver, là. Ils avaient tout c'est à prouver. C'est que il y a ça aussi, Juju, c'est que cette chimère, parce que c'est vraiment une chimère, hein, qu'on a à chaque lancement de console Nintendo où les éditeurs tiers sont là pour soutenir. Rappelle-toi la Wii U. T'as quand même Ubisoft qui s'est cassé le cul. Alors ok, les jeux étaient ratés, mais à sortir quand même des choses, des nouvelles IP, des choses nouvelles, ouais. Comme sur Wii aussi. T'as les éditeurs tiers occidentaux qui faisaient genre c'est génial, on va faire plein de jeux, machin. Bon, ça a duré quelques temps et ça s'est arrêté. Là, tu n'as même pas cette chimère, cette non. petite chimère dont on se marre à chaque fois, dont on se moque. Elle n'est même personne pas là. Personne ne les soutient. C'est-à-dire que regarde ce qu'Ubisoft sort dessus, quoi. C'est non. Alors. Oui, il paraît qu'il y a. Alors, c'est ça, je comprends pas. Il y a des gros trucs en backstage qui se font, comme par exemple Lapin Crétin, Cross Mario. Ça, tu vois, mon fils. Il se garde pour le 3, je pense. Mais tu vois, c'est débile parce que. Non, c'est idiot, fallait pas. Ça. Fallait les montrer, au moins. Mais ça, tu vois, ça, c'était. Et dispo. Jouable à le 3, tu vois. C'était dispo, limite. Même Day One. Oui, ça aurait pu. Je l'aurais acheté parce que Axel est fan des Lapins Crétins. On est fan de Mario à la maison. Rien qu'un jeu comme ça, je l'aurais acheté. Là, mais franchement, tu vois, pourtant, c'est cher, hein. Mais rien, tu vois, j'aurais peut-être passé le pas de l'achat. Ouais, et avec peut-être quand même, alors qu'on parle d'une console Nintendo. Hein. Oui, voilà. Mais je parle, une nouvelle console, hein, je parle du Day One, hein, en peut-être Day One. Hein, parce que c'est sûr que la console, au plus tard, à la fin de l'année, je l'achèterai. Oui, moi aussi, ouais. Donc, si elle baisse de prix. Le line-up est vraiment, pour moi, c'est le pire qu'on ait eu. On va rappeler rapidement. Donc, il y aura le Zelda. Bon, voilà, ça, on vient d'en parler. Il y a le One, Two, Switch. Ok. Et après le jour J, il y a quoi? Ouais, il y a du Just Dance, il y a du Has-Been Heroes, Just Dance, Super Bomberman R, qui pour moi, fan de Bomberman, est le plus moche que j'ai vu depuis le Bomberman sur N64, et le moins intéressant. Alors, sur Xbox, il est encore plus moche, hein. Mais bon. Ah ouais, ouais, j'ai jamais joué sur. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, puis la Xbox, je n'y joue pas parce que pour moi, c'est une console qui n'existe pas. Donc, il y a Sniper Clip, apparemment, qui a l'air d'être la bonne surprise. Oui, mais ça reste un jeu qui devrait coûter 5 balles, genre sur un WiiWare. Ça fait un jeu très indé, et attention, c'est pas un jeu 100% Nintendo. J'ai vu beaucoup de sites. Non, oui, bien sûr, c'est un petit jeu indé. Ils ont récupéré ce jeu d'un studio, et effectivement, ça a l'air vachement chouette, mais c'est pas ça qui, te fait acheter une console. Ah, artistiquement, c'est atroce. Ouais, ça c'est dommage. Il y a Fast Remixed, j'ai envie de te dire, rien à foutre, c'est déjà sorti sur plein de machines. Même Mario Kart 8 Deluxe, il est pas au Day One. Ouais, mais t'imagines, c'est complètement Skylander, rien à foutre. Et pour les enfants, ce sera pas suffisant parce qu'une console à 329 balles, les parents passeront pas à la caisse. I Am Setsuna, ils ont choisi le RPG le plus, un des plus moisis. Un des plus nazes qui soit sorti ces derniers temps. Après, DQ11, tous ces trucs-là, c'est pas noté. Mais alors après, c'est que t'as plein de jeux qui ont été annoncés mais qui sortent, si t'as déjà une PS4 ou un PC, ça sert à rien, parce qu'ils sont déjà disponibles partout. Tu vois, les Sonic Mania, les Dragon Quest... ils communiquent dessus alors que c'est du multiplateforme. Ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient en jeu indé et non indé, qui était multi, qu'ils pouvaient ramener. Mais ça, si t'as déjà une PS4 ou une Xbox ou un PC, mais ça, je veux dire, ça n'a aucun... tu vas pas acheter la Switch pour ça. Jouer en moins beau, quoi. Sachant que ça va être le syndrome Wii et Wii U, c'est que sur les jeux multi, on n'achètera jamais les versions sur console Nintendo. Donc voilà, ils ont malgré la composante nomade, hein, malheureusement, je pense qu'ils sont tellement moins beaux. Ouais, mais regarde, est-ce que tu te vois sortir dans les transports? Non. Avec ton écran Switch. Donc non. Alors au Japon, oui, mais voilà. C'est tout. Hein. Moi, je vais te dire, si c'est le nomade avec la Wii U, je l'ai un petit peu dans mon salon, voilà. Maintenant, si c'est pour aller jouer dans mon lit. Si je dois payer plus de 300 euros pour jouer à Zelda dans mon lit, bon bah je suis patient, j'y joue dans mon salon quoi. Enfin, ouais. Ah non mais voilà. Et là où tu vois qu'il y a un gros problème, c'est que déjà ils ont pris les mauvaises décisions côté hardware et je pense qu'ils étaient, je sais pas, enfin à mon avis, c'est l'équipe R&D. Je sais pas quelle équipe R&D s'occupe des dernières consoles de Nintendo, mais il faut vite les foutre dehors à coups de pied au cul et limite c'est leur balancer, c'est de genre tu balances ta godasse en même temps, tu mais vois. Mais alors, genre, voilà, je suis d'accord avec toi. Je finis juste avec les jeux. C'est qu'en fait. Oui, non, mais justement, bah, c'est par rapport au RPG japonais et aux jeux japonais. Y a eu là, par contre, il y a eu des belles annonces là-dessus, mais c'est genre dans un an, quoi. C'est pas maintenant, quoi. Enfin, c'est pas maintenant. Et quand tu vois que Nintendo n'est même. Ils arrivent même pas. Attention, parce que. Je sais pas si tu as pensé à ça, mais. Je vais lancer une bombe. Ils arrivent même pas à être à l'heure avec un portage comme Mario Kart R1. Ils n'arrivent pas à être à l'heure avec un jeu qui existe déjà, avec un portage. Oui, c'est ce que je te disais là il y a deux minutes, c'est que c'est, voilà. C'est scandaleux ça. Alors, tu crois vraiment que le nouveau Mario il va sortir à Noël? Mais tu fourres le doigt dans l'œil, Bruno. Ah, mais s'il sort pas à Noël, alors là, c'est le multiple scandale. Là. C'est, Il sort en mars 2018, je suis sûr. Parce que voilà, on va... À Noël, je n'y crois pas. C'est le seul, on va y venir, c'est le seul véritable jeu où là... Ah, ils nous l'ont montré quand même. Au moins, on sait que... Bah, le Mario, c'était l'ascenseur émotionnel. Parce que voilà, on rappelle que, soi-disant, et comme ça a été voulu par Iwata, paix à son âme, que la synergie entre les équipes software, c'est-à-dire ceux qui faisaient des jeux pour 3DS et Wii U, rassemblés en une même entité pour permettre à la future console, donc la Switch, d'avoir énormément de jeux dès sa première année, voilà, et le Day One aussi... Voilà, donc moi, quand j'ai vu le Mario Odyssey, bon, bah, ceux qui me suivent savent à quel point, moi, je suis même plus Mario que Zelda, vous le savez. Ah non, mais moi, le nouveau Mario canonique, je l'attends autant que le nouveau Zelda. Quand il canonique, était... hein, avec un C majuscule. Enfin bref, quand il était annoncé, quand on a vu la vidéo, après le début un petit peu bizarre à la Sonic Adventures, mais quand vraiment on est rentré dans le vif du sujet, dans les divers mondes, etc. Ouais. Oh, mais je me suis dit, et c'est là, je te dis, hop, j'ouvre l'onglet Amazon, je fais c'est bon. Je fais s'il est à la sortie, comme ce qui était censé quand même être prévu. Ou même pas la sortie, mais genre, tu vois, pour cet été, au pire, tu vois. Ou alors le printemps, tu vois, voilà. Je me dis, bon, là, c'est bon. Je la préco. Ouais, pour les vacances, quoi. Ah ouais, je la préco. Tu vois, fin 2017, tu fais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'y croyais pas. Alors, je vais aussi parler d'un point et j'entends ça. Et moi, ça m'a gâché comme toi, tout le reste de la conf. Ouais, alors bon, moi, j'aime beaucoup. J'ai entendu à HL dire un truc qui m'a fait sauter. Bon, il n'est pas le seul qui m'a fait sauter au plafond. Et c'est pas méchant. Je veux pas dire que j'ai raison ou qu'ils ont tort, etc. Mais là, franchement, enfin, c'est pas possible quoi, de dire des trucs pareils. J'ai entendu dire que ça aurait été une erreur de sortir le Mario en Day One parce qu'il y a Zelda. C'est quoi le rapport? Alors ça, c'est un débat qu'on a eu lors de précédentes émissions, ça. Ah, parce qu'à ce moment-là, si Zelda sort au Day One, en fait, faut carrément pas sortir de jeu, quoi. Faut sortir la console qu'avec Zelda, alors. Mais ils sont débiles ou quoi? Tu sortais la console, tu faisais un pack Mario, et tu pouvais acheter Zelda à côté si tu voulais, et tu faisais un pack Zelda, et tu pouvais acheter le Mario. Oui, mais surtout que ça aurait été historique. Maintenant... Point. Tu vendais la console avec un jeu, parce que c'est l'usage, et parce que si t'es pas un gros fils de pute, ce qu'ils sont... C'est ce que tu fais normalement sur toi, ce prix-là. Et à côté, tu mets l'autre jeu en vente à 60 balles, point pot. C'est comme ça que moi, ça se passe. Enfin, juste pour apporter une nuance, si le Zelda était inédit, c'est-à-dire que si le Zelda Breath of the Wild, en fait, serait un vrai nouveau Zelda, c'est-à-dire pas sur Wii U, vraiment que pour la Switch, là, oui, là, pour moi, ils auraient dû attendre de lancer le Mario. Parce que là, c'est pas le cas, c'est un jeu, là, c'est grillé de cartouches. Mais je trouve que pour un jeu multi, là, justement, c'est un site, tu vois, franchement... Hein, et surtout que c'est pas un porte-étendard, c'est pas « bonjour, je suis Switch ». Ben, je vais prendre mon exemple, regarde. Moi, j'achète toujours en masse Nintendo Day One. Hein. Je suis Nintendo sexuel, machin. J'ai la Wii U, donc je peux jouer à Zelda. Il m'aurait dit, là, la Switch sort, donc là, en mars, vous avez Mario Day One. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Bah, donc le Zelda, je le prends pas sur ma Wii U. Je me prends le pack Mario ou le pack Zelda, et je me prends le deuxième jeu en plus, comme tu dis, tu vois. Et là, c'est clair, je l'aurais pas du tout acheté sur Wii U, le Zelda. Je l'aurais acheté sur Switch, parce que je savais que j'avais mon Mario avec. Mais j'ai même te dire, même mieux que ça, même si le Mario canonique était repoussé, ils auraient fait un jeu Nintendo, une sorte de spin-off, que ce soit de Toad, de Mario, de Luigi, de... Je ne sais pas, tu vois, un spin-off comme l'a été Luigi Mansion, par exemple, tu vois, ou un truc un peu inédit. Nintendo... Bah surtout qu'il y avait des rumeurs de Luigi's Mansion 3 voilà, pour Mars. Ou tu vois, un spin-off de Malade Mental comme Captain Toad, tu vois. Il y a eu un spin-off de l'univers Nintendo, un jeu vraiment... Qui sort d'une série canonique. Non, mais même, je sais pas, genre comme à l'époque de la Super NES, un F-Zero, faut pas me dire que c'est compliqué. Non, mais je veux dire, je l'aurais acheté, j'aurais dit, ah merde, tu vois, je prends un exemple tout con, mais ils auraient sorti un Wario Adventure, je sais pas, quelque chose. Tu vois, un truc Nintendo, même si c'est une expérience courte, mais super intéressante, tout ça. Ah, je fais, bon, écoute, ouais, là, il y a un Wario. Bon, il y aura le Zelda qui sera un peu mieux. Il y aura quelque chose qui sent la Switch, tu comprends ou pas? Là, il n'y a rien, c'est le désert. Un truc qui fait nouveau, mais tu ne peux pas montrer le nouveau Mario, sachant qu'en plus, c'était Kimishima qui avait dit que oui, mais on veut montrer la Switch quand le Mario sera prêt, etc. Ils le montrent, ils disent Noël. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Et pareil, tu vois, quand j'ai vu Souda... Arms. Non, mais ouais. Non, mais ça, c'est rigolo, mais en petit jeu. Est-ce que vraiment on doit en parler de Arms, franchement? C'est... À part du fait qu'il va coûter 50 balles et que c'est une bonne enfilade parce que c'est un minigame qui devrait être gratos encore, soit dans la console, soit coûter 20 balles, ou 30, on va dire, grand maximum. Tu sais, ce qui est triste, c'est que là, tu vois, nous, moi, toi, je sais que t'es fan de la saga aussi, Axel est très Kirby depuis longtemps, et tu vois, dans certains Kirby, sur DS, sur 3DS, sur Super NES, enfin sur tout ce que tu veux, sur Wii, etc., les mini-jeux, t'as énormément de mini-jeux dans les Kirby. T'as genre, des fois, t'as 6-7 mini-jeux dans les Kirby en parallèle de l'aventure principale qui est déjà géniale. Ouais, pareil déjà dans le dernier, là, le Robobot. Là, ouais, sur, mais qui sont t'as mieux. T'as un mini-jeu vraiment complet avec qui sont mieux que ces jeux-là, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. Et oui, juste, je voulais dire, moi, vous savez, je suis très, très fan de Souda et très, très grand fan de No More Heroes. Quand j'ai vu le retour de Travis Todd John, j'ai fait oh putain! Et là, je me suis dit même pareil, tu vois, je me suis dit, attends, si ça sort avant cet été. Moi, je suis tellement fan de No More Heroes et de Souda, je fais ah ouais, là. Ils ont rien montré. Bah, ils ont montré un artwork et le jeu, il sortira pas avant 2018. Donc, je veux dire, bon. Splatoon 2, ouais, super, rien. Mais alors, bon, je sais que ça a marché, mais moi, j'en ai rien à branler. Surtout que, attends, mais non, mais le pire du pire, c'est que non seulement. Bon, nous, Splatoon, on s'en fout, mais pour ceux qui aiment, on dirait plus un Splatoon 1.5. Enfin, je suis désolé, ça fait pas Splatoon 2, quoi. Ouais, moi, je vois pas de différence après. On dirait un Splatoon Deluxe, quoi. Enfin. mais bon, c'est tous les autres jeux annoncés après. C'est des jeux multi, quoi. Donc bon, il y a le. Alors, je sais que je vais peut-être me faire des ennemis, mais il y a le merde. Oh bah t'es plus à ça près. Hein. Ouais, oui c'est clair. Le Xenogears là. Xenoblade 2 là. Chronicle 2 là. Oui Xenoblade oui oui 2, oui. C'est oui. Ça bon. Oui. Non, mais ça c'est bien. Mais ça fait pas vendre des consoles. Non mais non. Non, puis même, on sait. C'est bien pour nous, mais c'est pas bon pour la. Moi, ce que je comprends pas, et on va revenir sur la partie stratégie, c'est que d'un point de vue business et stratégique, pour moi, c'est l'annonce la plus ratée de l'histoire de Nintendo. Bon, c'est mon avis. Hein. Oui, oui. Ouais, alors que justement, ils étaient dans une période où ils devaient tout faire pour se racheter. Bon, ils ont fait tout l'inverse. Ils ont creusé. Tu pensais pas qu'ils pouvaient tomber plus bas en termes de com. Bon, ils ont encore creusé plus. Ça, c'est exceptionnel. Non, enfin, bon, ceci étant dit, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de. Ils avaient toutes les cartes en main. ils nous ont montré pas grand chose, et le peu qu'ils nous ont montré, bah, soit c'est pas au line-up, soit tous les points sur lesquels on s'était dit bon, ils peuvent pas retirer, même sur le côté hardware, le côté pratique, le côté prix, ils vont être agressifs, bah, c'est loin d'être le cas. Il manque la moitié de ce que les consoles font actuellement, ou si elle le fait, elle le fait en moins bien, et en plus de ça, elle est plus chère qu'une PS4. Tous les voyants, là, tous les voyants sont au rouge, tous les potters sont au plus bas. Rien n'indique vraiment sur le marché en tant que présence d'une marque dans les linéaires des magasins. Rien n'indique qu'il faut acheter la Switch. Rien ne motive, si tu veux, cet achat en dehors de Zelda Breath of the Wild, qui est en plus un jeu Wii U et qui en plus, malheureusement, même moi en tant que fan de Zelda, c'est vrai que les dernières vidéos que j'ai vues commencent à me faire un peu peur, hormis le trailer qui est complètement Le trailer est génial, le trailer et te survend le jeu, mais dès que tu vois le jeu tourner, c'est pas beau, c'est triste à dire, mais même artistiquement c'est très moyen en dehors des personnages et des monstres. Les décors, c'est vraiment très très limite. On dirait des décors de Outcast sur PC dans le début des premières cartes graphiques. J'exagère pas, hein, c'est vraiment pas beau. Je sais, j'ai regardé la vidéo, une vidéo de gameplay, genre en 720p, tu vois. Bah, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je fais un parenthèse là-dessus, parce que je sais que t'étais pas d'accord avec moi quand on en avait parlé il y a quelques numéros. C'est je m'attendais à ce que ça évolue. Moi, je trouve pas ça normal que, tu vois, on fasse... on peut pas faire d'un côté ce procès à Sony avec Killzone ou avec surtout Ubisoft. Qui n'arrêtent pas bullshiter, qui n'arrêtent. Enfin, là, maintenant, ils ont, soi-disant, ils ont arrêté, mais qui, pendant des années, ont bullshité leurs vidéos. Genre, tu voyais Watch Dogs, tu voyais The Division, tu disais, putain, c'est ouf, quoi. J'ai un jeu qui tourne comme l'équivalent sur un PC à 2000 boules dans ma console. Bon, ils nous ont fait des bullshit. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on est fan de Nintendo qu'il faut aussi masquer ça, c'est que Zelda, ça a été une enfilade, Breath of the Wild, sur les premières vidéos. Ouais, et même le dernier trailer qu'ils ont montré, t'as vu, enfin, il y a quand même des moments... Mais rappelle-toi surtout cette première vidéo où il claque des doigts à Onuma et tu vois derrière le Zelda que tu fais « Putain, mais c'est magnifique !» Avec de l'herbe partout à perdre voilà. De vue. Alors même, ce que je veux dire, c'est que même s'il est vachement moins beau, moi, si c'est un grand Zelda, c'est pas grave. Non, mais par contre, on peut pas retirer que Nintendo a bullshité sur sa com. Ouais, ça, on peut pas le retirer. Il y a des limites quand même, parce que... je vais en venir, c'est que quand tu vois les scènes du jeu avec des endroits plus resserrés, j'imagine que c'est des zones peut-être un peu plus fermées en dehors. Oui, ça a l'air plus joli dans les espaces et plus restreints. Ouais. Les arbres sont bien détaillés, ça fait très Miyazaki, très cartoon, et ça fait très Skyward Sword aussi sur certains aspects. Et moi, ça me va très bien, tu vois, parce qu'artistiquement, c'était très beau. Ceci étant c'était dit, très beau, c'était juste pas fait pour un écran HD, quoi. C'était très beau sur cathodique, Skyward Sword. C'est ça, exactement, voilà. Et dès lors où tu vois, quand il est dans les plaines, qu'il va couper des arbres, etc., la plupart des lieux, le problème, c'est pas que c'est moche, c'est que... Parce que artistiquement, la palette de couleurs, tout ça, c'est super beau. Ça, il n'y a pas à dire. De toute façon, artistiquement, c'est quand même des gens de bon goût chez Nintendo. J'aime beaucoup le nouveau design de la princesse Zelda. Je trouve elle est superbe. Mais par contre, c'est trop vide. C'est vraiment trop vide. Que quand tu as des plaines taillées à la serpe avec 2-3 brins d'herbe, 3 fleurs et des arbres cubiques. Moi, ce qui me fait peur, c'est. T'en as 4 sous les yeux, t'as plus rien derrière. Ce qui me fait peur, c'est cette mode des open world. C'est ce qui a tué FF15. Quand ta bataille est arrivée, il a dit on va faire un open world. Parce qu'à la base, avec Nomura, c'était pas prévu que ce soit un open world. Moi, c'est cette mode de l'open world, quand on sait pas le faire, qui me fait peur. Mais ils ont prouvé qu'ils savaient le faire, Nintendo. Donc je comprends pas. C'est. Des mondes comme ça où tu vas où tu veux. Je te parle d'un open world avec la vision occidentale qu'on en a. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que les Occidents savent très bien le faire. Les Occidentaux, savent très bien le faire. Moi, Zelda, il y a toujours pas un truc qui me font peur. C'est toutes ces jauges d'endurance, de grip, tout ça. J'espère que ça va pas être trop chiant. Parce que t'as vu les vidéos, quand tu le vois courir un petit peu, tout de suite, il s'essouffle. Oui, mais a priori, c'est au début. Ça encore, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que ça a l'air particulièrement vide. Et ceux qui l'ont vu. J'ai peur qu'on passe notre temps à courir sans rien voir. Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, c'est sûr que ce sera sur Wii U. Donc, même si ça ralentit un peu. Si c'est tout ça, bon, au moins je suis prévenu. Voilà. En plus, c'est pas normal d'avoir un univers aussi vide, parce que putain, c'est vide. Et tu sais, dès que la caméra porte loin dans le décor, ça rame, et dans tout, à chaque fois qu'il monte les vidéos de gameplay, je sais pas si t'as vu, le mec il recadre la caméra, il filme plus un peu de haut, tu vois, ou ouais, juste un ennemi qui va buter, avec derrière t'as plein d'arbres, donc tu vois pas trop au fond, mais dès lors où ça porte vraiment à l'horizon, le jeu t'as l'impression que tu divises par deux le framerate. Ouais, c'est flippant. Le jeu serait super beau, tu vois, enfin, techniquement, il y aurait beaucoup de choses à l'écran, tu vois, plein d'effets, etc. Bon, je me dis, je veux bien, c'est une machine qui n'est pas très puissante. Mais là, techniquement, on dirait un jeu PS2, quoi. Bah, c'est ça, et je vais même te dire un truc, c'est que même si sur Wii U, techniquement, ce qui reste à prouver, hein, parce que moi, le fossé, j'ai pas l'impression qu'il sera énorme. Même si sur Wii U, bon, effectivement, tu auras des petites carences techniques, faut pas oublier que sur Wii U, moi, j'ai une super manette pro, qui est un exemple, hein, les manettes pro Wii et Wii U, elles sont fabuleuses, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des meilleurs pads jamais sortis. Moi, je pourrais y jouer avec, déjà, j'aurais mon pad pro, tranquille. Parce que si tu veux y jouer, parce que moi, les Joy-Con, j'ai un petit peu peur. C'est vrai que ça aussi, c'est des critiques qui sont revenues pour vraiment, des, entre guillemets, des gros jeux. Ça a l'air... Bon, faut voir à l'usage ce que ça va donner. Mais c'est vrai que tous ces boutons petits, très rapprochés, c'est un peu tendax. Ouais. C'est-à-dire que tu dois débourser 70€ de plus pour avoir une manette pro. Donc, parce qu'on parle de 325, enfin, mais 324, mais tu rajoutes un jeu. T'es déjà presque à 400. Hey. Tu rajoutes un pad pro pour vraiment les gamers, tu dépasses les 500. Non, mais c'est ça, parce qu'il ne faut pas avoir le console de la prix nue. C'est-à-dire qu'en face, t'as des packs à 299 PS4 avec Uncharted 4. Avec des jeux. Moi, j'ai vu des packs à comment, dans les 300€ avec plusieurs jeux sur PS4. Ouais. Les mecs, c'est, là, si tu veux un jeu plus la Switch, et tu veux une manette à peu près correcte, bah tu je veux dire, tu fais le calcul, t'as plus de 500 balles, quoi. C'est, tu vois, c'est pas, enfin, moi, à 50€ sur Amazon, j'aurais mon Zelda, je pourrais jouer sur ma manette Wii, Pro Wii U, je serais tranquille, hein. En fait, ils montrent vraiment un manque de lucidité, du moins pour l'instant. Il y a un manque de lucidité qui est affolant, quoi. Enfin, bah ça, c'est que la machine, elle fait peur. Le prix est trop cher. T'as l'impression qu'ils tiennent pas compte, même de leur propre console, de la 3DS, et t'as l'impression qu'ils tiennent même pas compte de la PS4. Ça, c'est un line-up qui est le plus nul. Ignorer le marché, quoi. Ah, le line-up, le plus nul de l'histoire pour moi de Nintendo. C'est aussi. C'était le. Apparemment, enfin, tu te rappelles. Ça devait être Oui. Ça devait être justement l'atout. Oui. Qui devait découler de la synergie des équipes. Oui, on repousse la console parce que. Tu te rappelles, ils avaient dit qu'ils avaient repoussé. L'annonce, etc., parce que pour eux il n'y avait pas assez de jeux, nanana. Bah alors putain, attends, quand ils voulaient l'annoncer, il y avait quoi? Il y avait plus sur Wii U, il n'y a pas de message pour attirer les familles, et il n'y a pas de message pour attirer les gamers, sauf si t'as pas de Wii U. Il y a des messages pour attirer les familles, mais c'est pas les bons. Non, c'est pas du tout les bons, et pour les gamers, c'est des jeux qui vont pas sortir avant Péta ou Schnock, et surtout, alors, juste le Zelda si t'as pas de Wii U. Mais franchement les gars, si vous m'écoutez, et que vraiment vous hésitiez pour une Wii U, franchement, quand tu vois les merveilles qu'il y a sur Wii U, et je vous renvoie à notre épisode spécial Wii U, où vraiment on parle de ces jeux formidables que Nintendo a sortis sur Wii U, l'épisode 3, et d'ailleurs Julien vous parle aussi, vous donne des infos vraiment qu'on n'a jamais entendues ailleurs sur la relation entre les développeurs indés et Nintendo, c'est très très intéressant, vous aurez plein d'anecdotes à vous mettre sous la dent. Enfin, pour la Wii U en tout cas. Pour la Wii U je parle, hein, bien sûr. Je veux dire, si vous voyez des Wii U à prix cassé avec ses meilleurs jeux, bah, foncez, faites le Zelda dessus, et puis votre Switch, vous la prenez à Noël prochain, quoi. Peut-être, parce qu'ils disent... Enfin, si le Mario sort, vraiment. Moi, franchement, le Mario, s'il sort à Noël... Ah non, mais... Après, franchement, ça, je serais étonné. Après cette série de combos déceptifs dans la gueule qu'on s'est pris... Putain, mais si même le Mario, il est repoussé à 2018, non mais. Non mais là, déjà c'est... pour moi le Mario, c'était pas possible qu'il ne sorte pas à la sortie. Au moins cet été, même s'il n'était pas Day One. Au moins ils avaient bien insisté sur le fait qu'ils attendaient d'avoir le Mario de près pour que la Switch sorte. Or la Switch va sortir, Mario n'est toujours pas prêt. Alors, ça se demandait ce qu'ils foutent, hein, chez Nintendo. Franchement, en plus de ça, ils l'annoncent à Noël. 2017, donc hiver 2017, on en reparlera, mais je pense qu'il sortira pas en Noël 2017. Quand bien même il serait sorti, je sais pas, en mai, tu vois, voire avant les vacances d'été, pour moi c'était déjà trop tard. Et là ils le font. Ils annoncent ça pour Noël, quoi. Et ils ont même le Mario Kart, j'insiste là-dessus, mais le Mario Kart qui a un portage, il est pas prêt. Non mais c'est dingue. Alors que c'est un portage. Non mais tu sais, on croirait. Ça aurait été abusé parce que la console serait en fait elle serait sortie avec Breath of the Wild et aussi Mario Kart donc Mario Kart 8 là qui sont deux jeux Wii U quoi, un peu améliorés. Donc c'est une nouvelle console qui serait sortie encore avec deux jeux Wii U. Donc déjà de base, même si Mario Kart était prêt à la sortie, c'était déjà abusé. Ça justifiait pas le prix de toute façon, voilà. Quoi qu'il arrive. Et en plus, il est même pas là. Mais pourquoi on doit acheter une... En fait, voilà, pourquoi on doit acheter une... Non, parce que je vais même te dire, c'est que, bah justement, tu fais bien de poser la question, parce que avec le même line-up, hein, la même chose, tu me mets 100 euros de moins, je l'aurais pas acheté quand même. Hein. Ah, mais moi non plus. Hein. Parce qu'il y a rien. Non, il y a rien. Il y a du vide. Il y a plus... Rappelle-toi qu'on avait fait notre épisode, justement, sur la Switch, donc l'épisode 9, après la... La première vidéo qu'ils avaient mis en fin d'année là, on s'était dit est-ce qu'on va vers une Wii U 2, mais j'ai l'impression que j'ai pas l'impression, pour moi à l'heure actuelle hein, ouais, bien sûr on parle à l'instant T hein, c'est-à-dire ouais. Que là nous sommes le 18 janvier hein. Pour ouais. Moi actuellement elle est c'est même pire. Bien moins sexy qu'une Wii U quoi, mais vraiment ouais. Mais tu vois, et puis pour Arms on est vite passé dessus et j'entends déjà oui mais vous plaignez qu'il n'y a jamais de nouvelle licence, une nouvelle licence, nous on veut bien une nouvelle licence. Les joueurs veulent des nouvelles licences, mais pas ça. Ah, mais ça, pas... ça doit être un jeu satellite à côté d'un line-up solide. Je veux dire, voilà. si tu débauches des gens qui pourraient travailler sur le nouveau Mario et qui pourraient arriver avant, tu vois, si tu débauches des gens pour faire un autre jeu, mais faites pas ça. Ça intéresse qui, franchement? Et en plus, t'as vu, pour jouer à deux, il faut deux Joy-Con. Ah, mais je crois qu'il y a clairement... Il faut deux jeux de Joy-Con, donc c'est impossible. Ils savent pas où ils vont. Puis même au niveau du design, parfois, on dirait des têtes de... Alors moi, je joue pas Overwatch, hein, mais j'aime beaucoup le design de certains personnages. T'as l'impression que c'est un mix entre Nintendo. Je parle vraiment en direction artistique. Hein. Ouais, parce que la DA d'Overwatch, elle est juste exceptionnelle. Avec des touches d'Overwatch. Ah oui, non, moi j'aime beaucoup. Je n'y joue pas. Parce que moi, fusion. Je joue pas en ligne. Mais on dirait une fusion d'Overwatch et de Punch-Out. Exactement. J'ai l'impression que c'est le même chara-designer. Et moi, je suis très fan de ce chara-designer. Mais même en dehors de ça. C'est pas un jeu qui est intéressant. Non mais ça voilà, c'est pas une killer app, c'est pas ce que tu vas acheter pour dire tiens, il me faut la console parce que et je le répète encore hein. Faites-les bosser sur Mario, faites pas. C'est pour dire moi à tel point je suis fan de Nintendo, c'est que moi j'ai acheté la Wii U parce que je ne voulais pas rater New Super Mario Bros. U. Voilà. Alors que j'aurais pu attendre quelques mois, mais bon, moi je suis tellement fan hardcore de Mario que c'est-à-dire que il m'aurait présenté un jeu solide Nintendo, peut-être qu'on aurait vu 20 fois avant, mais sachant avec le game design et le level design exceptionnel de Nintendo, je serais passé à la caisse. Là, il n'y a rien. Et même pour 100 euros de moins, il n'y a rien. Même si elle coûterait, tu vois, 180... 100, 100, même, je vais même te dire, elle coûterait même 149 euros, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah bah non, là... C'est pour que tu la prennes, pour que tu dises, oh regarde, j'ai la nouvelle Nintendo, puis que tu la poses, et puis... Et que tu relances ta PS4, je veux dire, voilà quoi. Ouais, ça ce sera de toute façon, ouais. Tu sais quoi, dans le meilleur des scénarios, on s'achemine vers une Wii U bis où tu vas l'acheter, puis comme les consoles Nintendo avant elle, jusqu'à la N64, tu vas jouer à 10 jeux, puis voilà. Tu vas jouer aux jeux, tu l'auras pour les jeux Nintendo. Moi, ce qui me fait très peur, par contre, alors c'est pas de sortir dans les grands trucs de débilos qu'on voit sur internet, oh Nintendo va mourir, non c'est pas ça, mais là non. Je pense qu'ils vont traverser une période de crise, ouais. La bourse, l'action Nintendo a perdu 5 points après la conf, ouais. C'est pas pour rien, c'est que les retours, après le retour dithyrambique de certains qui ont eu un peu trop de poudre aux yeux en allant voir la console sur place, les critiques ont quand même été très vite sévères. Et t'as vu, même la presse généraliste, et ça c'est la première fois, même la presse généraliste et pas du tout satisfaite. Hein. T'as non, vu non. Le alors, monde, la dépêche, etc. Exact. Alors, dans certains de ces grands quotidiens, t'en as beaucoup qui écrivent aussi en même temps de la presse jeux vidéo. Maintenant, ils recrutent des mecs de la presse jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que ouais. C'est aussi un peu plus pointu. Mais c'est vrai que ceux qui sont un peu plus mainstream ou un peu plus généralistes, même, hein, je parle en tant que journaliste. Ça... Mais oui, parce que c'est une techno, on l'a déjà dit, c'est une techno qui existe déjà. Nvidia avait fait pareil, en moins bien, ouais. Bien sûr. Mais c'est. En fait, c'est le concept de la Wii U un peu plus poussé, mais finalement qui est pas si poussé que ça. J'ai l'impression qu'il y a. En fait, on remplace des problèmes par d'autres. C'est ça qui me fait un peu c'est peur. C'est exactement ça. On remplace des problèmes par d'autres. Alors en fait, on remplace des problèmes par le manquement en fait à l'appel de certaines features importantes. Mais c'est ça. Juste deux trois petites choses en fait que j'aimerais aborder avant de terminer, c'est que déjà d'une, reprécise à tout le monde que là, donc on enregistre le 18, et donc connaissant Nintendo et leur com et leur stratégie, donc on ne comprend plus rien, ça vous l'aurez bien deviné. Y a peut-être des annonces qui vont arriver, de jeux en tout cas, qui vont arriver après l'enregistrement de cette émission. Donc auquel cas, donc voilà. Alors des annonces de jeu pour après la sortie, oui, mais franchement pour la sortie, ça m'étonnerait. Là, attends, ils ont invité tout le monde. Ils ont invité la presse généraliste, la presse spécialisée. Ça m'étonnerait aussi, mais avec Nintendo, sait-on jamais. En fait, la grande inconnue, c'est que même si je pense qu'il y aura des annonces faites à l'E3, c'est le line-up qui est hyper nébuleux. Je trouve que vraiment à quelques semaines de la sortie de la console comme ça. C'est assez troublant, puisque là, je cherchais ce matin pour l'émission. Je n'ai pas trouvé Alors, j'ai peut-être mal cherché, hein, mais je n'ai pas trouvé de line-up officiel vraiment gravé dans la roche. Ouais. Sachant que je suis remonté dans mes archives, et sur Wii U, il y avait quand même plus de 20 jeux, 23 ou 24, je crois, d'annoncer. Là, je parle du lancement européen, en tout cas. Hein, voilà. Et donc, je vous redonne la liste. Donc, j'ai un PDF officiel Nintendo hein, de l'époque. Il y avait, alors je vais pas vous donner tous les titres hein, parce qu'il y en a, je sais même plus ce que c'est. Mais bon, il y avait du Call of Duty Black Ops 2, il y avait bon, à nouveau du Skylander, il y avait du Transformers, il y avait du FIFA 13. Donc toutes les éditions spéciales genre Mass Effect, Batman, etc. Il y avait le fameux Tank que tout le monde a oublié. Quoi ça? Tu sais, c'était un jeu hyper arcade. Je crois que c'était une adaptation de borne d'arcade, si je me souviens. Où pendant que tu jouais, tu sais, tu te foutais sur la gueule avec des tanks et tu voyais ton visage à l'écran en même temps. D'accord. C'était okay. Une borne. Bon, je te rassure, ouais. C'était déjà plus amusant que. Enfin, ça avait l'air en tout cas plus amusant que One Two Switch. Ouais, bah c'était un jeu quoi. Ouais, voilà. C'était un jeu vidéo quoi. Exactement. Il y avait Tekken Tag Tournament. Il y avait Nintendo. Ah ouais. Ouais. Il y avait même un Tekken et Tournament 2, ouais. Je m'en souviens même plus. Wii U Edition. Il y avait Nintendo Land, il y avait donc New Super Mario Bros. U, excellent. Il y avait Sonic All-Star Racing Transformed. Il y avait Warriors Orochi, il y avait du Darksiders 2, Assassin's Creed 3, Just Dance 4, Les Lapins Crétins Land, Sport Connection, je sais plus ce que c'est. Un truc de fitness, Zombie U. Alors là, bonne question. Game Party Champion, je crois que ça c'était un game party à la con. Faut voir tous les jeux qu'il y avait quoi. C'est... Bon, en fait, voilà, il y avait 23 jeux. J'ai peut-être mal compté, en tout cas plus de 20. Là, sur Switch, alors déjà d'une, j'arrive pas à trouver. On est le 18 janvier, hein, je le rappelle. J'arrive pas à trouver un line-up officiel, donc ça va peut-être arriver dans les jours qui viennent. Hein, pour c'est pas ouf, qu'on dise qu'on soit à mauvaise langue. Moi, les seuls ouais, que je vois de confirmer en Europe, d'après mes petites recherches, je vois 4-5 jeux. Je vois le Zelda, One to Switch. Alors attends, dans mon listing, il y a Bomberman Air, sachant qu'il n'est pas listé encore. Hein, donc, non, mais celui-là, il va être assez obligé. Je pense qu'il va être là le jour J. Skylander et Just Dance 2017. Moi, c'est juste que je vois. Et alors, pire encore, quand je vais sur Amazon, je vois que 4 jeux de listés. Je vois le Zelda en version simple, en version collector. Ouais. Je vois le Mario Kart 8 Deluxe qui donc ne sera pas sera pas dans le launch, ça on le sait bien. Et One to Switch. Trop bien. Sur Amazon, c'est tout ce que je vois de référencé. Donc c'est un petit peu flippant. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai préco ce matin mon Zelda Wii U. Ah bon ? Oui, pour être sûr, puisque. Donc là, ces jours-ci, une sorte de rumeur est tombée, alors soi-disant par rapport à un contact d'IGN France, un vendeur de ouais. Micromania lui aurait balancé l'info que finalement, il serait possible, faut prendre des pincettes hein, d'usage, mais que la version Wii U donc de Breath of the Wild serait distribuée en édition en quantité très limitée, un peu comme Twilight Princess sur GameCube à l'époque. Et ouais. Voir, il y a des rumeurs aussi qui se baladent un peu sur le net, comme quoi il serait dispo quand des maths. Bon, ça, j'y crois pas trop. Par contre, je pense. Non, j'y crois pas non plus. Moi. Je pense que l'édition limitée, c'est tout à fait probable parce que Nintendo fait exactement pareil avec Twilight Princess, qui, rappelons-le, était développé pour la GameCube. Ouais. Quand la Wii est sortie, le jeu est sorti sur les deux plateformes. Et pour le trouver sur GameCube, moi, grâce à ma chérie, j'avais réussi à avoir mon exemplaire, mais c'était très compliqué. c'était un petit peu voilà, c'était un petit peu la panade. Et donc moi, là, ça m'étonnerait pas trop effectivement qu'il y ait pas de, de version collector pour pousser. Ah non, ça c'est officiel. Alors là, par contre, il y a pas de, c'est quasiment officiel, il y aura pas de version collector pour Wii U. Bon, bah, écoute. Voilà, donc ça. Mais moi, sachant que le jeu passe avant l'édition collector, moi en général, de toute façon, j'ai non, pas... je sais bien, mais tout ça, c'est des... tout ça, c'est une question principale. Ah mais bien sûr. Non, mais de toute façon, moi je vais dire un truc, j'ai pas les moyens de m'acheter tous les gens en version collector. C'est que moi, avec mon budget, mon choix il est simple, c'est que entre m'acheter trois jeux que j'attends ou un de ces trois jeux d'édition collector. Bon, il y a pas à réfléchir deux secondes. Donc moi, je prends les éditions simples parce que ça me permet de m'acheter plus de jeux. Voilà. Ouais. Donc là, j'aurais pas pris la collector même si elle était disponible sur Wii U. Mais pour ceux qui sont qui font la, la collecte de ces éditions collector, là c'est voilà, c'est à nouveau, c'est dire non non mais achetez la Switch quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Sachant que les derniers comparos techniques durant l'émission, on a d'autres qui sont tombés. J'ai regardé vraiment vu qu'il faut bien se mettre en tête. Mais il faut c'est quand même minime. Hein. C'est très très minime, il faut bien se mettre en tête que de toute façon c'est normal, puisque la core version de Breath of the Wild c'est sur Wii U, le jeu a été développé sur Wii U. Quoi. Voilà. Donc même si la Switch est plus puissante, vraiment, le... de toute façon Nintendo a même fait un communiqué en fait des différences techniques, donc c'est officiel. C'est juste qu'on ne sera pas en 1080p sur, sur, comment, sur Wii U. On sera en il y aura 2-3 effets en moins au niveau sur sonore Switch aussi ouais, y a moins sur Switch aussi il sera pas en 1080p Bruno hein. Oui mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est leur com, c'est de l'upscale mais c'est pas du vrai 1080p, enfin après c'est encore autre chose. Non, c'est en 900 je crois. Bon moi C'est en 720 voilà, je crois que sur Wii U c'est en 720 et c'est en 900 sur voilà, t'as raison, c'est ça, et il y aura des effets sonores supplémentaires sur ce, sur Switch d'après ce que j'ai compris. Alors reste à savoir c'est le sound design, bon c'est des questions de mémoire ça. Voilà, et après peut-être effectivement des textures un peu moins fines tout ça, mais franchement je vous invite à regarder parce que là ça y est on en trouve partout sur internet les comparos vidéo. Franchement quand tu les mets côte à côte, oui, tu vas te dire ah tiens effectivement là c'est un peu plus fin, là c'est... mais franchement il faut vraiment regarder qu'une loupe. Et si tu vois indépendamment l'une de l'autre les deux versions tournées, tu... enfin moi personnellement tu vois aucune différence quoi. Non franchement alors je les ai bien regardées. Oui après non mais bien sûr après si tu les mets l'une à côté de l'autre et que tu mais si tu veux c'est pas Y a quand même une différence mais c'est ça saute pas aux yeux quoi voilà. Attends, je vais aller au-delà de là. T'as presque l'impression que c'est plus une différence de style qu'une différence technique. Mais est-ce que c'est pas bullshité ? Parce que moi, j'ai l'impression, hein, après, c'est mon avis, hein, que sur la verse, quand ils te mettent la version Switch, t'as l'impression que les contrastes sont mis à fond. Ouais. Tu vois que les couleurs de l'écran sont pas réglées de la même manière. Bah il y a je crois que c'est juste, et ça c'est déjà vu la hein. Lumière qui est différente ça c'est déjà vu, c'est à dire que pour mettre une version plus en avant qu'une autre si tu veux tu rabaisses un peu la version qui est soi-disant low entre guillemets ouais. Et j'ai l'impression que moi les couleurs quand tu vois le comparo elles paraissent un peu plus fades sur Wii U, mais j'ai l'impression que c'est juste une question de réglage couleur. Alors après bien sûr il y aura certainement plus d'effets sur Switch, des particules, vraiment... je sais pas, mais d'éclairage. Apparemment, c'est vraiment le sound design qui. Enfin bref, en tout cas, c'est pas voilà, tu passes pas d'un, enfin, ça saute pas aux yeux, comme par exemple, pour prendre un autre exemple, j'en ai pas. Oui, tiens, par exemple, quand tu compares à la version de Resident Evil 4 entre PS2 et GameCube, ça saute pas aux yeux comme ça, quoi. Non, c'est la différence est pas aussi. Voilà, pas aussi la différence c'était. Et sachant qu'à l'époque, bon, moi j'ai toutes les versions d'Hero 4, passer sur la version PS4, n'importe quoi. Il y en a une, hein, version PS4, je crois. Oui, il y en a une, oui, bah, elle est sortie en boîte. Mais je veux dire, passer sur les autres versions que la version GameCube, genre sur la version PS2 de RE4, bon, ça brûlait pas non plus les yeux, mais c'était moins beau, quoi, voilà. Ah, oui, et oui. Là, je vois pas cette différence-là. Donc, il y a ça, donc là, le line-up, donc il est assez incertain, et quoi qu'il arrive, il sera rachitique, je pense, sauf annonce exceptionnelle de dernière minute. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Tout s'accumule. Ouais. Ça fait quand même. Ça fait plein de trucs de pas très rayonnant quoi. ça fait, ça, comme on le disait dans l'émission, ça fait vraiment sortie à la va-vite, quoi, encore. C'est, Alors que, enfin, ce qui se disait, c'est que quand même, enfin, il prenait le temps. Moi, c'est ce que j'avais cru en... Enfin, dans leur communication, je perds mes mots un peu, là, parce que c'est vrai que je suis un peu agacé par tout ça, mais... Dans leur communication, c'était on repousse, on a appris, on repousse pour être prêt, on sera prêt, il va y avoir plein de surprises, etc. Et finalement, des surprises, il n'y en a pas tant que ça. Et ils arrivent avec une machine qui est sensiblement identique à la Wii U dans la philosophie, mais plus en mode on enfonce le clou, tu vois, on va au bout de nos idées. Alors. Je tiens à préciser quand même que moi, la console, elle me plaît, quoi. Tu vois, elle me fait envie, le fait de pouvoir jouer à des jeux console de salon, comme ça, c'est ce que tout le monde dit, tu vois, genre, dorme en pieu, tu vois. Parce qu'apparemment, tout le monde a envie de jouer dans son lit, tu vois. J'ai l'impression, dormir. Ouais. Ouais. Dans mon pieu, mais moi, c'est plus vraiment le fait de pas monopoliser la télé, d'avoir la même expérience, de pouvoir passer sur la télé un peu quand je veux. Il y a des trucs qu'ils ont pas dit. Est-ce qu'était la promesse initiale de la Wii U, quoi, voilà. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de brancher la Wii U directement sur un écran même de PC, tu vois, la Wii U, la Switch, sur un écran de PC, ils n'ont pas parlé de ça. Est-ce que c'est vraiment que sur les télés ou est-ce qu'on peut mettre sur des écrans plats, tu vois, n'importe quel écran plat, j'imagine que oui, tu vois, mais... Ah, je pense que voilà. Ça doit être faisable, oui. Ouais, il y a tout ça, moi, ça, je trouve ça super sexy et... Et ça va être très pratique pour beaucoup de joueurs et particulièrement les adultes, enfin même pas en fait, les adultes comme les enfants. Enfin, je trouve que voilà, ce principe unifié est super intéressant. Maintenant, derrière, ils sont en train de prouver qu'ils ont des bonnes idées quand même, mais qu'ils vont pas au bout et qu'ils arrivent pas à les tenir. C'est-à-dire que là, ils proposent une console avec une promesse qui faisait envie à tout le monde. Ils arrivent, ils ont aucun jeu. Je suis désolé, on va dire, mais non, il y a pas aucun jeu. Il y a si, il y a ça. Pour moi, il y a pas de jeu. Je suis désolé. Bah là, parce si vous que... faites le comparatif là, avec le line-up de la Wii U, qui était pourtant pas non plus. Mais finalement, avec le recul qui était finalement quand même fourni, ça bah fait oui. peur. Si tu compares les deux, ça fait peur quand même. Ils arrivent avec des portages. Le Zelda, pour moi, je sais que c'est un peu gros de dire ça, mais il est inexistant, entre guillemets, dans le principe où c'est un jeu Wii U. Il sort aussi sur Wii U. Ce n'est pas une exclu, ce n'est pas bonjour, je suis la Switch. Donc je ne compte pas. Le Mario Kart, qui n'est même pas à la sortie, c'est aussi le portage d'un jeu Wii U, et apparemment, il n'y a pas de circuit supplémentaire, ils ont juste rajouté un mode battle. En fait, t'auras juste les downloads, en fait, c'est tous les circuits en plus que moi j'ai téléchargés, d'ailleurs, qui sont très chouettes, qu'ils avaient sortis après, genre les circuits Zelda, F-Zero, etc. Ça reste un jeu. Link, les persos, les véhicules que tu... Bon, ouais, en fait, c'est quoi cette version de Mario Kart, c'est un petit peu, tu sais, les éditions GOTY. Voilà, c'est exactement ça, c'est l'édition Game of the Year avec tous les DLC dedans, ouais, c'est tout. En plus, même des jeux moi, qui ne m'intéressent pas du tout, mais alors vraiment, mais j'en ai mais rien à battre et je pense que je ne suis pas le seul, il faut être franc, surtout à ce prix-là, parce qu'il devrait être entre 40 et 50 euros. Il y a Arms qui finalement, on a vu ça là, au cours de l'enregistrement, finalement n'est même pas à la sortie. Moi je pensais que c'était un jeu de la sortie. Bah, moi aussi, je croyais. Du line-up et ça ne l'est pas, il sort le mois d'après ou deux mois après. Non, c'est franchement c'est la cata quoi. C'est vraiment la cata parce que quand t'as une Wii U, à la limite si t'as pas téléchargé de jeux, tu vois, si t'as pas beaucoup de jeux sur ton, c'est en démat. Ouais. À la limite tu la revends, ok. Tu sais que la plupart des jeux qui sont sur Wii U, là définitivement on le sait, la quasi-totalité des jeux exclus Nintendo qui sont sur Wii U, ils vont sortir sur Switch. Oui. J'en mets ma main coupée, le 3D World, le Toad, tout ça, il y a tellement rien sur Switch que dans tous les cas, ils vont les sortir en version. Oui, plus puis ce serait dommage, parce que je le répète, pour moi, ce sont des merveilles. Ce serait dommage, voilà, que le plus grand nombre n'en profite pas. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ce qui est en train de se passer, c'est que la Wii U, t'as l'impression que c'était la bêta, quoi, de la Switch. Que tout ce qui est sorti sur Wii U, ça va arriver sur Switch, sauf que toi, tout ce que t'as acheté en démat sur Wii U, tu pourras pas les récupérer sur Switch. En gros, l'intérêt, si t'as pas téléchargé de jeu sur Wii U, ce serait de la revendre et de reprendre une Switch derrière. Et en gros, ta Switch, ce serait la console dont tu avais envie depuis X mais années, même pas quoi. C'est pire que ça, Julien, parce que même si t'as pas de jeu en démat, elle est pas rétro-compatible la Switch, vu que c'est des cartouches. C'est-à-dire que tous les jeux que j'ai achetés sur Wii U, moi il est pas question Ah oui, c'est vrai. Que tous les jeux que j'ai achetés, parce que sur Wii U, et je vous renvoie encore, hein, je fais de l'auto-promo, je suis désolé, mais je vous renvoie encore sur notre épisode Wii U, où à la fin de l'épisode, je vous parle de, voilà, de tous les jeux que, je, voilà, que j'ai sur Wii U, et voilà, en vous conseillant d'y jouer. J'ai une sacrée liste de jeux sur Wii U, j'ai énormément de jeux Wii U, et moi, ouais, il n'est pas question que je rachète tout, quoi. Ouais, ça, et puis c'est vrai que tu n'as pas d'intérêt à la revendre, du coup. Ah, donc, moi, je la garde, ma Wii U, je la garde précieusement, ça, c'est clair. En fait, je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on n'aurait pas cette discussion, normalement. On ne devrait pas l'avoir. La console, elle sera sortie à 250 balles avec un jeu, et même, à la limite, One to Switch, tu vois. Même si c'est de la merde, au moins, c'est dedans, tu vois. On dirait, bon, après, c'est leur vision du délire, mais au moins, tu y fournisses le jeu. Elle sera à 250 balles avec One to Switch. Il y aurait, bon, le Zelda, ok, on est d'accord, et il y aurait le nouveau Mario, ou au moins une nouvelle IP, ou... Même pas une nouvelle IP, tu vois. Je veux dire, ça leur coûte quoi de demander à Sega de, ou à Namco de faire un F-Zero, tu vois. Ils leur payent un petit F-Zero pour la sortie. Et avec les fans d'F-Zero qu'il y a, puis en plus, ça fait jeu de course, c'est très... c'est grand public, quoi, entre guillemets, tu vois, avec des vaisseaux et tout, c'est pas spécialement segmentant. Ils sortent à la console avec un Zelda, avec un F-Zero, mais même pas forcément qui... Enfin, tu vois, pas révolutionnaire, tu vois, en repartant sur les mêmes bases, où c'est celui qui est sorti en arcade... Je crois qu'il n'est jamais sorti sur console. Il suffisait juste de le porter, de demander à Sega de le porter. Surtout que c'est fait avec des moteurs qu'on... Enfin, je crois qu'il sait, c'est genre fait avec Unity ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est pas... Non, mais ils n'ont rien compris. Ils ont rien c'était pas compliqué. Il ne faut pas dire, oui, tu dis que c'était pas compliqué, tu n'es pas à leur place. Bah, je suis désolé. Enfin, en tant que développeur, ça fait 10 piges qu'on bosse dans les jeux vidéo aussi. Je suis désolé, c'est pas très compliqué. Tu débauches une petite équipe, tu dis à Sega, allez-y, vous nous aidez pour le lancement, vous mettez un petit F-Zero. Mais j'ai même te dire mieux, tu vois, ils ont pas compris, tu vois, on en reparlait, on en parle tout le temps dans l'émission, c'est quand tu vois le succès de la NES Mini, ils ont rien compris, je veux dire, c'est que là, ils avaient pas de gros jeux, tu vois, genre, ils sortaient juste, donc là, comme ils font là, le Zelda, si vous achetez une Switch, on vous télécharge un code, t'as genre, mais imagine, tu prends n'importe quel jeu Super NES, a fonctionné ou NES et tu fais une version genre tu sais un peu comme a fait Capcom avec Megaman tu fais un F-Zero tu vois Gaiden je sais pas quoi machin en mode 7 mais plus net tu vois mais genre graphisme Super Famicom machin genre tu le télécharges gratos si t'achètes une Switch et puis avec les scores en ligne tu sais genre avec un truc avec des coupes mais vois, Nintendo ne se rend pas compte même avec ça qui coûte rien à développer, ils retournent Internet, tu vois. Mais c'est ça que je ne comprends oui, avec pas. Ça, et ça, franchement, ça demande juste quelques mois de développement. Je comprends pas. Je et faut pas me dire qu'ils avaient pas le temps. Ou alors, tu parce vois, avec le là, Zelda, avec le, excuse-moi, avec le Mario, le Mario Kart là, donc qui est juste un portage de la version Wii U. Tu rajoutes un petit Mario Kart bonus. Nous, on l'aime pas, tu vois, mais il y en a plein qui aiment bien un double dash. Bon, nous, c'est l'épisode qu'on n'a pas trop aimé. Tu mets un petit double dash gratos avec. Ça leur coûte rien, c'est de l'émulation. Mais je suis sûr que tous les fans sont « Oh putain, il y a double dash avec, c'est génial !» Tu vois, là, il disait « La console sort. Y a, vous trouverez directement, genre, dans la console, un truc tout court, hein, mais Mario Sunshine. » Exactement. Ouais. Oh, émulé, tu vois. Mario Sunshine émulé, un petit peu lissé. Franchement, on n'aurait pas le même discours. Même moi, tu vois, pourtant à l'époque, il m'avait déçu, mais moi, j'aurais envie de m'y replonger, tu vois. Et oui, parce que me dire « Je joue à Mario Sunshine sur une tablette tranquille, genre dans mon bureau le matin avec mes petits écouteurs », franchement, je le refais. Franchement, ça me donne. Non, mais c'est dire, c'est pour ça que je précise à nos auditeurs. Bon, c'est attention, dire, pas c'est... à ce prix-là. Hein, pas à ce prix-là non, bien sûr. Mais c'est dire si on est fan de Nintendo. C'est que le vrai problème, c'est vraiment la sortie. La sortie de la console, là, c'est désastreux. Quoi. C'est désastreux parce que moi, comme on le disait, on est très fan de Nintendo. Moi, je ne compte même plus. Je pourrais même pas vous faire le listing de tête de tous les jeux Nintendo que j'ai achetés à nouveau sur d'autres supports. Enfin, je veux dire, j'ai plein de jeux. Moi, j'en ai en double, hein, des jeux. Ah, mais c'est pire que ça. Moi, j'ai des jeux, je dois les avoir en quadruple, quoi. Enfin, selon les machines, selon les. Entre les versions physiques, les versions des maths, etc. Regarde, ne serait-ce que. Moi, je prends l'exemple de Zelda 1 et 2. Je les ai sur GBA. Tu sais, les petites cartouches, là. Les oui, les NES classiques. Ouais. Ouais, je les ai sur GBA. Je les ai sur 3DS. Je les ai sur Wii. Et je les ai sur Manes. Bah voilà, et ben tu vois, c'est Zelda quoi 1 et 2, je les ai en quadruple, tu moi, vois. Moi c'est tu vois, Mario 3 aussi, je dois l'avoir en Mario 2, enfin il y a bah les moi deux, les Mario par exemple, je les ai quasiment sur toutes les consoles Nintendo. Je les ai en X versions, j'ai les versions originales, j'ai des versions achetées sur l'eShop, j'ai des rééditions, j'ai des donc faut bien comprendre qu'on est des pigeons quand même. On est des vendus quoi avec Nintendo, voilà, on a grandi avec. Ah oui, avec. J'assume on parce que pas qu'avec eux mais Mais moi maintenant je modifie mon discours. C'est qu'avant j'étais un vendu Nintendo autant sur les machines que les jeux. Maintenant je suis toujours un vendu sur les jeux parce que Nintendo, c'est vraiment voilà, c'est de la magie faite pixel, c'est une science du game design qui est exceptionnelle. On va je me répète, mais voilà. Mais par contre, au niveau du hardware, ça devient de pire en pire. C'est que c'est fini, quoi. La Wii U, et je suis pas le seul, hein. Faut voir un petit peu sur le net l'ambiance. C'est que moi, la Wii U, je l'ai toujours défendue par rapport à ses jeux. Hein, je le répète, par rapport à la machine qui est hyper mal branlée, mais par rapport à ses jeux. Et là, pour moi, avec tout ce qu'ils sont en train de faire avec la Switch, en tout cas pour l'instant, la Wii U, je trouve qu'elle regonfle un peu les muscles, quoi. Moi je vois sur le net, un peu partout, mes contacts, il y en a qui commencent à dire « Ah ouais, finalement, c'est vrai que la Wii U, c'était pas autant la cata. » Ouais, c'était pas si catastrophique que parce ça. Que ouais, là, mais voilà, c'est parce que la proposition de la Switch... En fait, moi, je pense qu'on va s'acheminer oui, bien petit sûr. À petit vers la conclusion, mais en gros, moi je me sens trompé, quoi, dans mon cœur de joueur, entre guillemets, et surtout dans mon cœur de joueur Nintendo historique, en fait. C'est que là, ils t'ont annoncé, c'est un peu, alors attention, putain, je vais faire la comparaison, mais bien crade, c'est un peu comme si tu avais un mec qui parlait avec une meuf sur le net, tu vois, qui ne la voyait pas, et disait « Ouais, alors je suis comme ci, comme ça. » Le mec, dans sa tête, il se fait « Moi, émerveille, tu vois, par rapport à ce qu'il dit, genre blonde à forte poitrine, tu vois, genre à la ouais. Lycée Moon. » Ou inversement, tu vois, un mec qui voilà, se décrit exactement. Comme un beau gosse de ouf, et puis finalement, voilà, le mec, genre, c'est Quasimodo, quoi. Ouais, je fais des pompes, etc., blablabla. Bla, bla. La meuf va voir le mec est apparemment, c'est pas ça, mais ça se rapproche quand même de la description, et puis finalement le mec, après, quand il est à poil, il a du bide, de la mousse dans le nombril, enfin bon, tu vois. Tu veux jouer avec mes Joy-Con. il est monocouille, enfin bon, bref, monotesticulaire. Monotesticulaire, exactement, ouais. Il y a un vieux fœtus greffé sur la hanche, enfin voilà, il y a que des problèmes, il pue du cul, enfin bon, il y a que des problèmes, quoi, tu vois. Le pauvre gars, quand même, tu l'assaisonnes bien, ça commence à faire beaucoup. Non, mais tu vois, c'est juste, t'as l'impression que c'est genre Ryan Gosling, et puis finalement c'est Demis Roussos, tu vois, à poil. La Switch, c'est un peu ça, quoi. C'est qu'ils nous ont fait des sacrées promesses. Ouais, puis il y aura ça à la sortie, puis il y aura ça à la sortie. Genre, et puis, ouais, le Mario, on l'a repoussé. Enfin, on a repoussé aussi l'annonce parce que le Mario, il sera au lancement, etc. Enfin, tu vois, c'est comme si le mec, il disait, ouais, t'inquiète, j'ai les tablettes de chocolat. Et puis finalement, quand la meuf, elle consomme, elle fait, non, mais attends, les tablettes, je les aurai à Noël, quoi. En fait, là, c'est pour l'instant, comme tape-toi un vieux bite pourri, puis voilà, quoi. C'est comme un mec dégueulasse ou une meuf dégueulasse sur Tinder, quoi. C'est-à-dire que t'as la photo, tu crois que ça va être un truc de ouf. Mais moi, j'aimerais préciser, c'est que, tu vois, ce discours-là, moi, ça me rappelle les polémiques qu'il y avait à l'époque de la Wii, la première Wii. Hein. Ouais. Il y avait beaucoup de dossiers qui sortaient, que ce soit sur le net ou même dans des magazines très réputés comme Edge ou autre, où en fait, il y avait déjà beaucoup de fans de Nintendo qui n'avaient pas pris le train de la Wii en disant ouais. « Ouais, non, mais là, ils se foutent de notre gueule, c'est que du casual gaming, tout ça. Bon. » Moi, la Wii, c'est une console que j'ai adorée. Moi aussi, ouais. Je la relance encore très souvent avec mon fils pour Wii Sport et pour des grands classiques que j'ai sur la comment ? Brrr, je trouve plus mes mots. Sur la console virtuelle, ouais. Même des jeux. Des jeux, voilà, même des jeux comme... Ouais, parce qu'il y a un Gradius, il y a un Castlevania... Ah, mais il y a des jeux de ouf. Moi, je vois le... Il y a des super jeux, ouais. Bah, bon, les Mario Galaxy, les Kirby, enfin, bon, on y rejoue... Ah oui, non, mais là, je parlais de la Virtual Console. Ah oui, pardon, attends, oui. Oui, oui, oui. Ah non, oui, bah, sur la console même, oui. Voilà, attends, les jeux de Suda, etc., bon... Ouais, puis il y a Metroid Other M, que enfin, moi, je le défends, corps et âme, parce voilà, que j'ai vraiment... Voilà. Ouais, je me rappelle que je t'avais filé, même à l'époque, je me souviens. Tu sais, je l'avais eu quand je bossais... dans le Prus. Et du coup, à cette époque-là, moi, je défendais. C'est pour dire un petit peu que voilà, c'est pas pour qu'on se justifie, mais c'est pour encore dire que je pense qu'on est symptomatique de. On représente un peu des fans de Nintendo qui ont quand même ont eu les idées très larges ces dernières années. C'est-à-dire que moi, sur Wii, j'ai toujours soutenu Nintendo. J'ai toujours. On est tolérant, quoi. Ouais, non, mais j'ai toujours défendu la Wii. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as les Mario Galaxy et les jeux Nintendo qui étaient toujours très bons, à côté, t'avais des jeux Jap hardcore qui étaient vraiment géniaux, comme bon, bah, les deux No More Heroes que moi, bon, voilà, j'adore, et plein d'autres jeux. Enfin, sur Wii, moi, J'ai plein de jeux dont je me séparerai jamais. Je les ai à la maison, je suis content de les avoir et on y rejoue oui, régulièrement. Moi aussi, ouais. Voilà. Bon, moi, je n'y rejoue pas, mais je suis content. Enfin, la Wii U, quand elle est sortie, elle s'est fait défoncer par tout le monde. Et moi, ça, tu ne peux pas dire le contraire, je l'ai toujours défendu. Oui, j'ai toujours reconnu que le hardware était vraiment bancal de partout. Batterie à l'ouest, le signal, le streaming sur la mablette qui ne marche pas plus trop bien quand tu t'éloignes un petit peu. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui encore, la console, elle tourne régulièrement dans la maison. C'est familial, j'y rejoue, mon fils y joue souvent, etc. Je l'ai toujours défendu. Réécouter notre épisode sur la Wii U, il y a vraiment des jeux dessus qui sont voilà, exceptionnels qu'il faut faire. Donc, je veux dire, même quand tout le monde tapait sur Nintendo, y compris ses plus fervents défenseurs, on l'a toujours défendu. Ouais, ouais. Voilà. Mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ça n'empêche pas que j'aurai une Switch quand le Mario sortira. Moi, je pense que j'en aurai une aussi parce que. Voilà. Bah, il y a Zelda et puis il y a le nouveau Mario. Rien que pour le Mario, voilà. Moi, il faut la Switch. Nouveau Mario canonique, tout ça. Donc là, oui, de toute façon, j'aurai pas trop le choix. J'en aurai une. Mais par contre, à la sortie. C'est pas possible et je suis dégoûté parce que moi j'attendais vraiment la Switch pour le Zelda là, tu vois. Et là je sais que Zelda je pourrais pas y jouer à la sortie parce que je vais pas acheter une Wii U, c'est pas possible, tu vois. Je vais pas me dire là en mars et je vais me prendre une Wii U d'occasion avec Zelda, non, parce qu'il y aura plus rien dessus. Je vais pas mettre autant d'argent, tu vois, dans une Wii U. Mais en même temps, oui, sachant qu'il y a fortes chances que tous les gros hits de la Wii U, tu les retrouves sur les Switch après, quoi. Voilà. Mais en même temps, je vais pas pouvoir mettre autant d'argent dans une console. Enfin, déjà la PS4, ça m'a fait un peu mal au cul, mais je sais que voilà, ça, dans 10 ans, j'y joue encore. Oui, mais la PS4, t'es tranquille, quoi. Voilà. Voilà. Mais la Switch, c'est loin d'être le cas. Et puis, je suis désolé, mettre 320 balles. Donc, je veux bien que ça soit une tablette. Je veux bien qu'elle ait une Joy-Con avec une super technologie dedans, etc. Mais le motion gaming, j'en ai rien à branler. Et puis, personne n'a rien à branler depuis longtemps. Puis, bon, ces gros comptes Nintendo, ils font quoi? Ils communiquent là-dessus. J'espère qu'on m'entend applaudir. Hein. C'est, voilà, personne en veut, mais ils le font quand même. Mais même les familles, tu vois, je veux dire... T'as l'impression, enfin, c'est passé de mode, tu vois. C'est la Wii. On est une génération où les gosses. Moi, je vois autour de moi, tu vois le mien, il est encore jeune, hein, et il va avoir 7 ans au mois de mars. Mais moi, je vois par exemple chez cousins, cousines ou certains enfants d'amis de la famille, etc. Tu vois déjà. Ils sont tous sur les tablettes. À 12 piges, ils ont déjà leur tablette, ils ont déjà leur smartphone. Enfin, tu vois. Et est-ce que ça va pas leur paraître un petit peu... Parce que moi, les Joy-Con... 320 euros, quoi. Les Joy-Con, ils me font un peu peur, moi. Parce que c'est vrai que j'ai... Moi, non. Moi, ça me fait pas... Alors, moi, pour le coup, c'est un point où je te rejoins pas. Moi, ça me fait pas peur du tout. Voilà, les manettes, tu t'y fais au bout d'un moment, de toute façon. Puis, ils ont l'air plutôt bien. Alors, les commentaires, c'est un peu biaisé, mais quand même, la tendance générale, c'est ça va. Tu vois, voilà, c'est pas non plus oh là là, c'est catastrophique. Apparemment, c'est le côté que les boutons soient très rapprochés. Bon, il va falloir un temps d'adaptation. Ouais, mais sur 3DS, c'était comme ça. Sur Game Boy, c'était comme ça. Voilà, ça nous faisait pas chier. Je vois pas pourquoi ça nous ferait chier. Après, maintenant. Pareil, il faut voir si l'écran chauffe pas trop. Oui, c'est vrai, c'est vrai à voir. Mais voilà, malgré tout ça, malgré la qualité de l'écran, etc., etc. Bah, moins etc. cher. On peut résumer, c'est que 100 euros moins cher avec le Mario, je me serais même pas posé la question. Et moi je m'attendais. Voilà. Après cette conférence, quand ils ont balancé le Mario, je m'étais même dit, oh putain, on va faire un broadcast où en fait il va falloir même faire attention à pas paraître trop fanboy, tu vois. Ouais, rêver quoi. Je me suis dit, ça va être le feu d'artifice. Ouais. Et c'est la descente aux enfers. C'est tout le contraire, quoi. Donc, et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi pour le marché. Oui, comme tu le disais, quoi. Parce que petit à petit, s'il est de moins en moins concurrentiel, parce que déjà, moi, je disais que Microsoft, pour moi, ça n'existe pas. J'en ai rien à branler, mais malheureusement. Oui, bon, là, t'exagères un peu parce que même si elle s'est fait ratatiner par la PS4, il y a quand même, aux US, le marché est bien présent. Bon, il y a que là-bas qu'il est bien présent. Hein, ouais, Microsoft, mais c'est local, voilà. c'est toujours local. Voilà, quoi, voilà. Mais c'est comme Atsumemiku, au Japon, quoi. Ça ne marche qu'au Japon, quoi. Concrètement. Bah, disons qu'ils sont pas morts, ils sont encore là, mais c'est vrai que. Mais bon, la PS4 domine totalement le marché des consoles. Voilà. C'est dès lors où t'as un concurrent qui ne compte pas dans ta stratégie, parce que là, il ne compte plus, hein, clairement, dans la stratégie de Sony et même de Nintendo. C'est dangereux quand petit à petit on s'achemine vers un marché avec un seul leader tout puissant et les deux autres, tout petits, mais vraiment tout petits, qui essayent de graviter autour, ça donne que après, du... après mauvais, on peut pas... Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et après, on peut pas reprocher à Sony d'avoir été plus malin que les autres. Parce qu'en fait, ah, mais c'est... non, moi, je reproche rien à Sony. Non, non, mais justement, non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ils sont beaucoup plus lucides. Il y en a qu'un sur ces trois acteurs-là qui a une stratégie, une campagne intelligente et j'ai envie de dire même presque normale, quoi. Sans faire mais, de grosses boulettes. Oui. C'est même pas... Microsoft a fait des grosses boulettes avec sa One, et puis là, Nintendo, on est au-delà de la boulette. Moi, ce qui me... Putain. Et il faut faire vachement attention aussi, c'est que... 320 balles, je me répète, mais 320 balles sans rien, quoi. Il faut... Oui, et c'est voilà. Et si c'est tu... incroyable. Voilà, c'est ça. C'est que si tu veux un pad pro et un jeu, comme on disait tout à l'heure, bon, voilà, ouais. La facture, elle est... Il faut même à 250€ nu, déjà, c'était limite. Déjà, hein, franchement. Et parce que moi, comme je disais... Moi, je vais jouer à mon Zelda avec ma manette Wii U Pro, le Wii U Pro Controller qui est fantastique. Je serais comme un pape. Et oui, donc ce que je voulais dire aussi, je voulais pas oublier de préciser ça, c'est que il ne faut je sais plus si je l'ai dit dans l'émission, mais bon, à 40 ans, on radote. Il faut pas oublier que la Wii U au début avait fait un bon départ. Donc là, apparemment, les premiers chiffres de réservation, etc., de précommande de la Switch sont très bons. Maintenant, attention, c'est que ouais, c'est normal, c'est une nouvelle console, elle vient de... Mais oui, elle mais sort ça, là. Il ne faut pas en tenir compte. Donc, je pense que le... il faudra vraiment voir ce qui se passe les mois qui suivent, et surtout le Noël. Les précommandes de l'Xbox One étaient bonnes aussi, il faut arrêter, les précommandes, ça vaut rien, c'est un pourcentage infime. Je préfère prévenir. Maintenant, voilà. Moi, après, pour s'acheminer tout doucement vers la conclusion, après tout ce qu'on a dit, je ne comprends pas... certains qui disent le tout est pas de cracher sur la console parce que moi elle me fait envie aussi. Ah moi aussi elle me fait envie. Mais je sais que j'achèterai quand il y aura le Mario. Voilà. Ouais voilà. Ou si et moins cher. Ou si je dis exceptionnel, tu vois, j'y crois pas. Mais si par exemple à l'E3 ils nous balancent le Mario Cross Lapin Crétin qui sort maintenant, qui a l'air génial machin, et si j'ai les thunes, je dis bien si j'ai les thunes. Ah, je me dirais, ouais, tu vois, pour y jouer avec mon fils et tout, ah, bah, je me poserais la question. Moi, j'attends qu'ils me montrent des nouveaux jeux, parce qu'on n'a pas vu le Retro Studio, on n'a pas vu tout ça, mais dans tous les cas, ce ne sera pas à la sortie. Là, vraiment, je réinsiste là-dessus aussi, c'est que nous, ce qui nous fait peur, et nous, ce qui nous paraît quand même assez hallucinant, en dehors de toutes ces conneries, des trucs débiles de genre le online sur ton téléphone portable, etc. Bon, c'est bon, définitivement, Nintendo n'a rien compris online, voilà, c'est bon, on le sait, et ça sera toujours comme ça, ça ne changera plus. Mais... le vrai problème, c'est que le line-up, il est moisi. Enfin, vraiment, il est ridicule, il est honteux. Il devrait se cacher dans un petit trou, genre, et prendre des douches tout habillé en pleurant, quoi. Ah, parce que même sur PS2, t'avais plus de choses à te mettre sous la dent. au line-up, hein, je suis désolé. Mais ah, c'est le line-up et le prix. Le gros problème, c'est qu'ils sortent une console sans rien, déjà, à poil, et 1,5 fois trop cher, tu vois, par rapport au marché, par rapport à la concurrence. Les gens qui disent « Moi, ça me choque pas, qu'est-ce que soit à ce prix-là » Fermez votre gueule et puis regardez un peu les sorties des autres consoles et regardez un peu le marché. Quand tu sors un produit, tu le sors en conséquence. Mais oui, parce que tu Sony... sors en conséquence n'importe quoi. Oui. Tu sors en considération de la concurrence actuelle et de l'état du marché. Mais oui. Et puis quand Sony et Microsoft ont sorti leur console qui était plus chère, faut voir. Les gens savaient qu'ils allaient avoir les versions consoles les plus élevées. Faut voir tout ce que la machine embarquait. Là, tu sais très bien, et ça, tout le monde a tendance à l'oublier, et putain que ça me vénère, mais c'est que tu sais très bien que sur Switch, on le voit déjà, on aura des inférieures versions bien sûr, des jeux multi, et encore, quand ça sortira, c'est-à-dire au début, après, les gens, ils vont plus se faire chier. Mais là, t'arrives, t'as Sony en face. T'auras des versions packs... PS3, Xbox 360, quoi. Voilà. Qui a des packs de folie, et qui sont vraiment pas chers. T'as la One, qui a des packs de folie aussi, si t'es fan de leur licence, et qui sont pas chers. Et t'as les smartphones en plus. Et t'as la 3DS, une de leurs propres consoles. Quel est l'intérêt La 3DS est beaucoup plus attractive, oui. C'est clair. Quel est l'intérêt pour un parent d'acheter une Switch qui est beaucoup plus chère avec pas grand chose dessus, alors que là, il achète une 3DS, il y a un milliard de trucs. T'as Dora, Bob l'éponge, etc. Ça coûte pas cher. Le problème, il est là. Faut avoir aussi faut être un peu lucide et mettre un peu de côté soit la santé de son portefeuille. Soit son côté fan de Nintendo. Il ne faut pas prendre ça en compte. Il faut faire une analyse froide et médicale. J'ai presque envie de dire. Non, mais ce qui est pire, c'est que nous... Et dans ce sens-là, c'est un désastre. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire pire ben, oui. que la Wii U. Et je dirais même, je n'ai C'est, attention, on va remonter loin, mais depuis la Jaguar, j'ai pas vu ça, quoi. La Jaguar, quand elle est arrivée, mais t'as vu, il y avait que dalle, et elle était hors de prix, mais quoi. Surtout que c'est un gâchis, parce que comme on le disait... Ils font la même chose, c'est incroyable. Comme on le répète aussi très souvent dans cette émission, c'est que Nintendo est assis sur un trésor de licences que le monde entier lui envie. Ouais. Il pourrait, mais comme on disait tout à l'heure, juste faire des portages à la va-vite, une suite rétro qui leur demande juste quelques mois de développement, et nous les premiers, tout le monde s'emballe. Enfin, je veux dire, tout le monde s'emballe. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de chercher pour rien, il n'y a même pas besoin de chercher loin. C'est juste en claquant des doigts comme ça, tu trouves des trucs où tu sais que les gens, bon, moi, même si moi, ça me. Tu sais que tu vas casser Internet à chaque fois. Voilà, et t'imagines, ils arrivent avec, oui, alors Super Mario, la console. Attends, imagine, hein, ils auraient fait ça, surtout, je pense, par rapport au marché américain et au marché japonais, pour qui c'est le meilleur épisode, ou au moins il est dans le top 3 des meilleurs épisodes. Imagine, bon, là actuellement, t'as la Switch, on va dire qu'elle a 320 balles. Ok ? Imagine, il sort à 250 euros, à poil. Avec tous ses défauts actuels, hein. Tu sais, tout ce qu'on a énuméré depuis le début, bah, tout, sa config actuelle, en fait, hein. Mais à 250 balles. Mais tu sors avec un Super Mario 3.5. C'est-à-dire qu'ils reprennent le moteur de Mario 3 et ils font un nouveau jeu. Nouvelle map, etc. Blablabla. Ah, bah, ils retournent Internet. T'as Internet qui explose. Ouais. Alors que c'est un jeu rétro, hein. Mais juste Mario 3, ouais, s'ils font ça avec celui-là aussi qui est considéré par certains, dont moi, comme le meilleur Mario, ils font ça avec Mario World. Ils font genre, tu sais, une suite. Enfin, bon, il y a déjà eu Super Mario World 2, mais enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Non, oui, ils font dans le même moteur avec des effets graphiques un peu améliorés, tout ça. En plus, ce serait très facile, parce qu'en fait, ils reprendraient tout simplement tout leur moteur de Mario Maker. Mais là, oui, ils feraient un jeu complet avec. Mais je vais même te dire mieux, ils feraient un jeu qui rassemblerait... Genre, tu peux jouer à deux, tu vois. Ils feraient un jeu qui rassemblerait, tu vois, tous les univers des vieux Mario. Tu vois, t'aurais des stages style Mario 1, style Mario 2, style Mario 3, style Mario World, machin. Mais franchement... Il n'y avait plus qu'à packager, en fait, tu vois. À packager ça. Mais franchement, même à ce prix-là, je l'aurais... Franchement, hein, tu vois, j'avoue. Hein, c'est dire si je suis Nintendo sexuel, je l'aurais préco direct. Ouais, non, pas moi, mais... Non, mais moi, tu vois, pour te dire. Ouais, donc, ouais. Moi, je pense... Donc, tu vois, ça aurait peut-être pu faire basculer. Là, il faut bien repréciser que là, notre déception... Elle est liée au lancement, hein, au lancement et au prix. Elle est liée au lancement, au prix et de ce qu'on a vu avec cette conf. On refera un point, je pense, Switch à l'E3, voilà, cet été. Peut-être qu'on aura, on dira, oh putain, ils ont annoncé ça, il y a une baisse de prix, je fonce l'acheter demain. Attends, il y a la Gamescom avant, non ? Je crois que la GDC. Ouais, mais je pense pas que Nintendo fera un truc là. Au niveau... Attends, le 3 n'est pas avant ? Bref, ouais, je m'emmêle les pinceaux au niveau des dates, mais en tout cas... Je ne sais plus, la Gamescom ou la GDC, il y a un truc avant le 3, hein, c'est sûr. On refera un point sur la Switch pour le 3, donc là, on le répète, c'est notre avis maintenant. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça hallucinant que... si tu as des privilèges, que tu es journaliste, que tu vas recevoir les jeux, que tu as le porte-monnaie, ou que tu n'as même pas d'enfant, tu vois... Oui, ces considérations, tu n'es même pas obligé d'en tenir compte. Et mais là, même là, c'est tout à fait personnel. Moi, ouais. je serais dans ce cadre-là, sincèrement, j'aurais été tout aussi critique. Enfin, je veux dire, il faut ouvrir les yeux, quoi. Enfin, et puis en mars, il faut voir ce qui sort, hein, en face. Hein. Entre les Nier Automata... Ah, tu fais bien d'en parler, parce que personnel, on a un début d'année qui est cataclysmique. Sur PS4 et PC, c'est l'orgie, quoi. Donc, aucun intérêt de dépenser de l'argent pour jouer à des jeux qui existent déjà, quoi. Enfin... Je vous renvoie à notre épisode précédent où on parle des jeux qu'on attend en 2017. Là, sur les trois premiers mois, c'est la folie. Là, ce mois-ci, j'attends déjà Yakuza 0 et... il sort la semaine prochaine et Resident Evil 7. Ouais. Là, après, dans les mois qui suivent, effectivement, t'as du Nier Automata, t'as du Dragon Ball Fusion... t'as du Persona 5, j'en oublie encore plein parce qu'il y en a tellement. Non, on en a oublié parce que il y a du Sonic Mania. Et on a fait un podcast entier sur ça, donc. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc c'est à dire que là, enfin bref, donc on est pour résumer, on est très énervé, très déçu envers Nintendo, parce qu'on pensait pas qu'ils pouvaient faire pire en termes de com et de stratégie que la Wii U, et ils font pire. Ouais, je suis désarmé moi. Voilà, il n'empêche que on l'aura parce que nous sommes des amoureux du jeu Nintendo. Voilà, de leur science du game design, mais la partie hardware là, c'est enfin non, là, pas, on est dans de l'auto-parodie presque, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Donc voilà, bah écoutez, On arrive à la fin de cette émission. Que vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, ça, c'est pas un souci, vous avez tout à fait le droit. Juste que je pense que ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'on n'est pas des rageux, qu'on est, on est vraiment hyper sincère, et je pense qu'on a quand même une analyse quand même qui est à peu près, enfin qui se tient, quoi. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à partager cet avis, avoir ce sentiment vraiment de gâchis et de... Ouais, et de rage, en fait, face à ce qui s'est passé, quoi. Mais, Les faits sont les faits, quoi. Et après, c'est aux auditeurs de juger par rapport au marché si ces faits-là sont pertinents. Après, quand tu fais une analyse tout à fait froide, et je dirais même en dehors du business du jeu, tu sais, même si tu n'es pas dedans, quand tu vois la concurrence, bon, non, c'est comme proposer une pizza avec un milliard de trucs dessus à 10 balles, et t'as un concurrent qui arrive avec une pizza toute petite, avec juste du fromage et trois merdes qui se battent en duel à 30€, quoi. Tu vois, non, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez le droit... C'est juste de la logique, après. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pitié, évitez-nous cette réaction prévisible et complètement bas du front qui est « Oh, les rageux !» C'est que, en fait, vous savez, je pense, vous êtes assez intelligent pour faire la différence entre des trolls qui ragent sur tout et n'importe quoi et ceux qui apportent nos arguments. Alors, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nos arguments, de trouver la machine très attirante, à un prix correct. Vous avez tout à fait le droit. Mais par contre, il faut aussi prendre en compte qu'en face, on a le droit d'avoir ce genre d'avis, et c'est pas parce que nous sommes complètement ébahis face à cette stratégie de Nintendo que nous sommes des rageux, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a un peu comme FF15, voilà, lors d'un épisode précédent. Moi, j'ai étayé, j'ai vraiment balancé tous mes arguments les uns après les autres. Après, on a le droit d'être d'accord ou pas. Mais voilà. L'histoire nous donnera raison, Bruno. Oui, c'est ce que je dis souvent, et je pense que. Au même titre que, et tu vois, je m'attendais pas à ce que ça s'inverse comme ça, mais au même titre que j'ai défendu bec et ongles ces jeux Wii U, et j'arrêtais pas de dire l'histoire me donnera raison, et je pense qu'on s'achemine déjà vers ça, et sur le lancement de la Switch, l'histoire nous donnera raison, je pense que c'est très très flippant. Maintenant, si la console fait un gros succès sur le long terme, c'est-à-dire, et ça dépendra des annonces qui vont arriver les prochains mois. Ce sera grâce principalement à une baisse de prix, hein, comme pour la 3DS. Mais moi, je ne souhaite que ça. Parce que nous, on aime Nintendo depuis toujours, et on veut que Nintendo casse la baraque, quoi. Je veux dire, c'est clair. Mais donc, on espère, on croise c'est les doigts. C'est juste que tu peux pas proposer une console aussi chère avec un prix d'entrée aussi cher. Sans rien, duquel il faut acheter un jeu, genre, on va dire, admettons, Nintendo Switch à 40€, ce qui te fait 400 balles, hein, ça fait quand même quasiment 400 balles en prix d'entrée pour une console où tu joues et tu regardes même pas ton écran, quoi. Je parle pour le One to Switch, là. Bah, c'est hallucinant. C'est pas possible. Là, c'est pas une question de goût, c'est pas une question d'aimer ou d'avis, etc. Là, ce sont des faits froids, factuels, qu'on a devant le nez. Qu'on ait envie, qu'on soit déçu, qu'on soit content, ou j'en sais rien, tu peux pas prendre en compte la santé de ton portefeuille pour avoir un avis, journalistique, tu vois, pas vraiment personnel. Là, tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est pas du tout personnel. D'ailleurs, même toi, Bruno, là, ce sont des faits, malheureusement. Bien sûr. Faits. Moi, j'ai envie de te dire, techniquement, la console, je pourrais l'acheter, tu vois. C'est pas un souci, ça. Oui, financièrement, tu pourrais te l'offrir. Ouais. Ça me foutrait pas dans la merde, quoi. C'est juste que c'est pas logique, si tu veux. C'est pas un achat logique en tant que consommateur. Donc c'est le problème, il est là. Moi, ce qui me fait peur depuis le départ, je me répète et je terminerai là-dessus, c'est que c'est dangereux pour le marché d'avoir ce type de comportement et de faire ce genre de bêtises, parce que là, c'est vraiment des bêtises d'adolescents boutonneux, quoi. C'est vraiment ne pas connaître le marché, c'est ne même pas s'y intéresser à ce niveau-là. C'est se dire, de toute façon, on est tout seul. Or, c'est pas vrai, ils sont pas tout seuls. Je dirais juste, en guise de conclusion, moi, que... Faut baisser le prix, point. Voilà, c'est pas parce que, même si on est fan hardcore de Nintendo, comme c'est notre cas, il ne faut pas juger Nintendo différemment des autres acteurs du marché. Exactement. C'est-à-dire que on était les premiers à tomber à bras raccourcis, et nous les premiers, hein, sur Microsoft, avec la com catastrophique qu'ils ont fait autour de la Xbox One. Ou la PS3, je ne sais pas si tu te souviens de la PS3. Oui, bien sûr. On avait halluciné. Ah, le début de la PS3. Alors, 600 balles. Non, mais si attends, à l'époque le podcast existait, vous auriez vu que, voilà, on avait été très très critiques sur le lancement de la PS3. Voilà, mais il faut juger Nintendo comme un autre acteur du secteur. Et le fait de s'appeler Nintendo ne donne pas un passe-droit, ne donne pas une carte d'excuse par rapport à certains choix qui sont faits, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau hardware. C'est pas parce que tu t'appelles Nintendo que tu as un passe-droit et que ton voisin, on lui tape sur les doigts et pas toi. Non, je suis désolé. Non, c'est tout le monde pareil, tout le monde à la même échelle. Voilà, donc là, sur cette génération, Sony a admirablement fait le boulot. Et c'est tout à fait normal et logique qu'il soit, qu'il soit numéro 1 en ce moment. Microsoft, il est pot cassé d'une com catastrophique. et la Wii U, pareil. Mais là, vraiment... La Wii U, c'est la com et le prix. Hein. La Wii U, c'est la Parce com que, et le prix, vraiment, voilà. Je te dis, la Wii U, elle sera 100 balles. Par contre, j'aimerais juste dire... là, c'est vraiment un possesseur de Wii U, et vous l'aurez compris, qui adore ces jeux Wii U qui vous parlent. C'est que la Wii U qui a arrêté d'être produite. Si vraiment les jeux dont je vous ai parlé dans le podcast spécial Wii U vous intéressent, peut-être qu'ils ne sortiront pas tous sur non, je pense pas, mais bon, sur Switch. Bon, je pense que dans l'histoire de Nintendo, même dans les années à venir, ce sera peut-être pas sur Switch, mais j'imagine mal comment Nintendo pourra abandonner des merveilles comme Super Mario 3D World ou Captain Toad, le Yoshi, enfin plein de jeux comme ça. Et Mario Maker, qui sont absolument fantastiques. Captain Toad, on en reparlera, tu verras, il va débarquer sur 3D, c'est sûr. Mais c'est sûr. Ouais, mais avec c'est dommage. 3D, c'est fait... Ouais, c'est dommage, mais avec la 3D, c'est fait. C'est dommage pour... parce qu'il sera moins beau, quoi. Ouais. alors que visuellement, c'est tellement magique. Enfin bref, si vous voyez une Wii U à prix cassé, foncez. Foncez parce que moi, j'ai peur que dans quelques années, elle soit dure à trouver. Foncez ouais, dessus. Mais alors cassé, vraiment cassé quoi. Oui, parce oui, que... mais là ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que les jeux Wii U, et ça je tiens à le rappeler aussi, je le rappelais dans ce podcast spécial Wii U, c'est que tu prends Captain Toad, tu prends Mario 3D World, visuellement, vu que Nintendo maîtrise son hardware, c'est magnifique. Visuellement, c'est mille fois plus beau que le prochain Zelda quoi. Ouais, dire, c'est normal, c'est pas open world. Je suis d'accord. On dirait des petits dessins. Je suis animés. D'accord, mais ça explose ce qu'on a vu là, annoncé sur Switch quoi. C'est magnifique. Et puis là, vous avez un game design, voilà, absolument fantastique. Trop compte de ce qu'on est en train de dire. Ah ouais. Voilà. Le Zelda sur Switch, il rame et tout, il est. C'est horrible. Les textures sont dégueulasses. C'est pas normal. Voilà. Si vous aimez les jeux Nintendo, si vous aimez l'univers de Mario. Comme nous, Super Mario 3D World, je le répète, c'est un indispensable. Captain Toad, c'est un indispensable. Il est pas cher en plus, Captain Toad. Il était déjà pas cher quand il est sorti. Le New Super Mario Bros. est génial. C'est le meilleur des new quoi. Vous avez plein de super jeux. Bon, là, je vais pas vous faire la liste, je vous renvoie au podcast. Mais vraiment, ouais. Vous avez plein de jeux vraiment absolument géniaux à faire. Et voilà quoi. Donc pour la Switch, et ben on refera un point après le 3. De toute façon, on refera un point au 3 de toute façon quoi. Oui, d'une voilà. manière générale. Et on verra si ce qui est annoncé sur la Switch, en bien ou en mal, nécessitera peut-être un épisode en parallèle spécial Switch. On verra bien. On verra bien. Mais bon, moi j'ai peur encore d'être déçu à le 3. Et j'espère que. Ouais, moi ça me fait peur. Je t'avoue que j'ai plus trop. Mais tu sais, le pire avec Nintendo. J'en ai marre un peu là. De, le pire de avec Nintendo, c'est qu'il suffirait, tu vois, qu'ils annoncent un projet qui nous fasse envie à l'E3, et tout de suite, ça mettrait du baume au cœur, tu vois. Alors j'attends qu'à être surpris, mais quels que soient les projets, de toute façon, qui m'annoncent, dans tous les cas, c'est trop cher. Ça changera pas. C'est comme avec la 3DS, hein, à l'époque, tu pouvais promettre bons et merveilles au niveau des jeux. Ouais, il faut une baisse, de toute façon, quoi qu'il arrive. Les gens ne l'achetaient pas, parce que de toute façon, c'est la réalité de la vie. Quand tu vis, toi, dans ta vie réelle, que tu achètes à manger, que tu élèves tes enfants, que tu payes l'école, tu payes la cantine, tu payes les impôts, etc. Je suis désolé, 320€ pour une console avec que dalle dessus, c'est pas possible. Mais je pense, t'as tout résumé. C'est pas possible. T'as tout résumé. Il faut une baisse de prix, mais une baisse de prix surprenante, comme à l'époque de la 3DS. Mais là, il faut carrément la baisser de 100 balles, quoi. C'est pas une petite baisse de 50€, parce que même s'ils disent « Ah non, mais finalement, on la laisse à 320, on rajoute un jeu », ouais, bah rien à foutre, quoi. Bah en fait, elle aurait dû coûter 100 balles de moins. Bon, on se répète encore, excusez-nous. Hein. 100 balles de jeu. 100 balles de moins avec le voilà. Zelda dans le pack, et là, tu faisais un carton. Et là, c'était bon, quoi. Ça, donc, voilà. Donc, bah, vous l'aurez compris, hein. Donc, très, très déçu sur la Switch pour l'instant, on le précise. Voilà, donc, bah, voilà. Avant de passer à notre rubrique traditionnelle musicale, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais. Que vous soyez d'accord ou pas, on attend vraiment vos réactions, partagez un maximum. Voilà, on voit que le podcast a de plus en plus d'écoute, donc on vous remercie énormément, voilà, de nous suivre. N'oubliez pas de nous mettre des petits commentaires et des étoiles sur iTunes, parce que je sais que c'est pas évident de faire la démarche, parce que bon, c'est vrai que sur Internet tout va très vite, parfois on a un peu la flemme, mais ouais. Ça nous aiderait à être un petit peu plus visible. Donc si vraiment vous nous aimez et vous nous supportez, si vous pouvez faire ça, ça vous prend 3 minutes et ce serait chouette, quoi. Donc comme à chaque fin d'émission, on va donc livrer une musique pour constituer à terme la playlist ultime de Game Music. Je m'excuse encore pour le blog où ça fait 3 émissions que j'ai pas mis à jour la liste et vraiment j'ai, comme toi Julien, j'ai des emplois du temps assez chargés, et j'ai oublié de le faire, je suis désolé. On devait voir aussi pour faire la playlist directement aussi sur YouTube. Faut que je m'en occupe, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Et donc pour ce morceau-là, j'ai choisi délibérément, n'y voyez aucune provocation, mais un morceau de Super Mario 3D World, justement, qui à l'image du jeu a une bande-son fantastique. Alors il y a Koji Kondo, l'illustre Koji Kondo dedans, mais parmi les compositeurs, mais aussi... Ouais, mais il est plus tout seul maintenant. Là, c'est toute une équipe, hein. Il y a Yokata, Minegishi... Il y a un Iwata aussi dedans. Enfin bon, ils sont 4-5. Et en fait, parmi vraiment cette brouette de musique fantastique qu'on trouve dans Mario 3D World, il y a tout simplement le meilleur thème des Ghost House. Et moi, la première fois que je l'ai entendu, mais limite j'ai pleuré tellement je l'ai trouvé magnifique, parce qu'il fait référence au premier thème des Ghost House de Super Mario World. Et après il vous emporte. Je l'avais entendu déjà cette musique. Oui, je me rappelle, je te l'avais envoyé directement. Non mais j'ai jamais joué au jeu, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre la BO parce que je la trouve vraiment sympa. Ah, la BO est géniale. Et même le thème principal de Mario 3D World. Tu le retiens comme les plus grands Mario, il te reste en tête. Ouais, il reste en tête, c'est clair. Et Mario Chat, le magnifique. Bon, bref, voilà, donc on va se quitter là-dessus. Bah, on vous remercie d'avoir écouté jusque-là ce nouveau numéro de Brocast. On se retrouve très vite pour un sujet dont on n'a pas encore décidé l'étonnant, les aboutissants. On vous tient au courant. Oui, c'est vrai, tiens. Oui, voilà. Bah, et ce serait sympa de repartir sur un truc rétro, vu que là on a fait beaucoup d'actu. Ouais, voir hors série, tu sais, genre faire dessin animé ou. Enfin, on va voir. On verra. Sauf si en termes d'actu, il y a un gros truc qui tombe entre temps et qui est incontournable, on verra. Alors le prix de la Switch. Alors. Le prix de la. On va faire une émission par critère. Le prix, le line-up. C'est finalement, je crois qu'on en a pas assez dit. Faut qu'on repart internet. On va faire 3 heures sur l'absence de port Ethernet. Ouais, c'est ça. Ça va être génial. Bon, bah écoutez, on vous fait tous un gros coucou. Jouez bien, n'hésitez pas à partager. Et puis on vous dit au prochain numéro. Salut. Et à bientôt. À bientôt, les copains.